sur Réunion Première. Merci de votre fidélité. À la première, il est 10h. Voici le journal. À 8h, c'est Mathilde Munoz. Bonjour Mathilde. Bonjour. Quelques flèches, mais pas de clash. Débat plutôt courtois et technique hier soir entre les 7 candidats de la primaire à droite. On vous dit qui s'en est le mieux sorti. Pendant ce temps-là, à gauche, le gouvernement n'arrive pas à calmer la colère des magistrats, toujours furieux contre François Hollande. Monsanto au tribunal, pour de faux, le géant des OGM va être jugé à la haie pour crime contre la terre, un procès factice mais symbolique. On vous fera découvrir aussi le nouvel album d'Ariel Dombal, un disque très étonnant. La diva est en duo avec le roi de l'underground, Nicolas Kerr. France Info. On démarre donc ce débat sans coup d'éclat. 2h30 de questions-réponses pour les 7 candidats de la primaire à droite. Ils ont déroulé leurs propositions. Ils ont beaucoup parlé d'économie, impôts, emploi, 35 heures, avec souvent des explications techniques. Et finalement, peu de différences majeures entre eux. Les échanges sont globalement restés courtois. C'est seulement quand les affaires judiciaires ont été abordées que la situation s'est un peu tendue. Yannick Falt, vous l'avez regardé ce débat, vous devinez ma question. Qui a gagné? Qui s'est montré le plus convaincant? Plutôt Alain Juppé. Oui, pour Alain Juppé, Mathilde, l'objectif est atteint. Son équipe redoutait un faux pas, coup de sang ou mauvaise formule, rien de tout ça. Le maire de Bordeaux a livré sa vision, identité heureuse, démocratie apaisée, proposition libérale, pas d'anicroche. Résultat positif pour le favori des sondages. Nicolas Sarkozy voulait lui grappiller des points pour tenter de rattraper son retard. Son message, avec moi, pas d'alternance molle, exercice difficile pour lui, il est apparu tendu et le débat ne lui a pas permis de profiter de son statut d'ancien chef de l'État. Et voilà pour les deux qui font la course en tête. Dans le peloton, Yannick, l'enjeu était tout autre. Oui, la question c'était qui allait se détacher. On attendait François Fillon ou Bruno Le Maire, mais c'est Jean-François Copé qui a tenté l'échapper, bousculant les autres compétiteurs, à commencer par Nicolas Sarkozy, l'ex-président, gentiment égratigné aussi par Nathalie Kosciusko-Morizet et Jean-Frédéric Poisson. Nicolas Sarkozy qui voulait être au-dessus des autres, lui l'ancien président, et qui est apparu comme un parmi les autres, plus ciblé même que ses concurrents. Yannick Falt du service politique de France Info. Deux autres débats vont avoir lieu. Les candidats n'ont pas abordé tous les sujets hier soir. Rendez-vous les 3 et 17 novembre. À gauche, opération déminage pour le gouvernement. Le ministre de la Justice, Jean-Jacques Urvoas, reçoit aujourd'hui les plus hauts magistrats de France pour tenter d'éteindre l'incendie allumé par une confidence de François Hollande dans un livre qui vient de sortir et intitulé « Un président ne devrait pas dire ça ». Le chef de l'État compare le monde de la magistrature à une institution de lâcheté. Il qualifie les magistrats de planqués qui n'aiment pas le politique. Delphine Gauthier. La tâche s'annonce compliquée pour le garde des Sceaux. Déminer une colère qui a gagné en quelques heures l'ensemble de la justice. Une opération de câlinothérapie des magistrats qui, hier, à l'occasion de la rentrée solennelle de la très feutrée Cour de cassation, ont fait part de leur indignation après ce que Jean-Claude Marin, procureur général de la haute juridiction, a qualifié d'humiliation. Un concert d'indignation entonné tout au long de la journée, communiqué d'abord des plus hauts magistrats français qui déplorent ces propos qui mettent en cause ceux qui servent l'institution judiciaire, puis communiqué du CSM, le Conseil supérieur de la magistrature, qui exprime sa stupéfaction après ses propos dangereux et injustes. Communiqué enfin du Conseil national des barreaux, qui représente les avocats. Il manifeste sa consternation. Alors Jean-Jacques Urvoas a beau rappeler à son tour dans un communiqué les engagements constant du chef de l'État pour défendre l'indépendance de la justice et réaffirmer son absolue confiance en l'institution judiciaire. Face à lui, aujourd'hui, il aura affaire à des magistrats très en colère. Pôle emploi va recruter des psychologues de travail. 600 postes seront créés d'ici à 2018. Ces spécialistes doivent permettre de mieux accompagner les demandeurs d'emploi. Le gouvernement veut limiter la quantité de pesticides contenus dans les aliments. La ministre de la Santé, Marisol Touraine, veut fixer un seuil maximal global. Pour le moment, il n'y a que des seuils substance par substance et on peut les additionner sans limite, ces substances, d'où le risque d'un effet cocktail. Des ONG en guerre contre les OGM. Monsanto, l'une des multinationales les plus détestées au monde, va être jugée aujourd'hui à La Haye, aux Pays-Bas. La firme américaine qui vend ses OGM et ses pesticides sur tous les continents est accusée de tuer la planète à petit feu. Mais ce procès va se tenir devant un faux tribunal, un tribunal citoyen mis en place par un collectif d'organisations environnementales, mais avec de vrais juristes et de vrais plaignants. Anne-Laure Barral. Parmi les témoins qui vont se succéder à la barre, il y a Paul François, l'agriculteur français, et le seul au monde à avoir gagné son procès contre Monsanto parce qu'il a été intoxiqué par l'un de ses produits, le Lasso, un produit aujourd'hui interdit. Même si la justice fonctionne, il faut être extrêmement blindé. Et ça a été une pression énorme depuis le début. Leurs avocats, leur stratégie a été de dire « mais nous n'avons pas de preuves ». Mais Paul François avait qu'à faire attention. Ça a été aussi dans leur stratégie de défense. Des agriculteurs du Sri Lanka, du Mexique, d'Argentine, des mères de famille américaines, tous viendront dire quels effets néfastes le géant de l'agrochimie a sur eux. Dans un communiqué, Monsanto qualifie ce procès de mascarade, mais pour le coordinateur du tribunal, Arnaud Apothécaire, l'issue pourrait être très utile. Le tribunal sera présidé par des juges qui donneront une opinion juridique basée sur des textes de loi, des outils juridiques extrêmement travaillés, qui pourront servir après, partout dans le monde, à des victimes, à des collectifs. Et les juges rendront leur avis en décembre. Bachar el-Assad n'a pas l'intention d'arrêter l'offensive de son armée contre les rebelles d'Alep. Nous devons continuer à nettoyer cette zone. Il faut repousser les terroristes vers la Turquie ou les tuer. Il n'y a pas d'autre option. Voilà ce que le dirigeant syrien déclare ce matin dans un journal russe. Des convois humanitaires attaqués en Haïti. Plusieurs camions qui transportaient des aliments ont été bloqués par des barricades et pillés. C'est ce que raconte le directeur du PAM, le Programme Alimentaire Mondial. L'autre option serait d'acheminer l'aide par hélicoptère, mais ça coûterait beaucoup trop cher. Des millions de Thaïlandais habillés en noir ce matin. Les sites d'information thaïlandais sont passés en noir et blanc. Le pays tout entier pleure son roi, mort hier après 70 ans au pouvoir. Les drapeaux sont en berne pour 30 jours. Allez, maintenant prenez deux artistes totalement opposés. Faites-en un duo, vous obtiendrez un album épatant. Ariel Dombal et Nicolas Kerr sortent aujourd'hui La Rivière Atlantique. Et ce mariage inattendu vous a plu, Yann Bertrand? A priori, on ne peut faire plus éloigné que ces deux-là. Ariel Dombal, diva soprano de haute tenue, et Nicolas Kerr, leader du groupe Ponyox, chanteur torturé à la voix déchirante en son fief de la Goutte d'Or. Et pourtant, c'est d'elle qu'est venue la demande. « Écrivez-moi un album, Nicolas », a-t-elle dit. Les deux avaient déjà collaboré sur la dernière aventure très rockabilly de la chanteuse l'année dernière. Cette fois, ils unissent leurs voix, faites l'une pour l'autre, la soprano avec le caverneux. Calm down, cool. C'est donc un accord parfait, riche et délicat, illuminé par des violons virevoltants. Ce disque a le charme des albums dont on n'attendait pas grand-chose, celui de ces duos dont on sent que l'un nourrit l'autre, avec une Arielle Dombal, décidément, jamais vraiment là où on l'attend. La rivière Atlantique, c'est le nom de l'album signé Arielle Dombal et Nicolas Kerr. Les milliardaires sont de plus en plus nombreux sur Terre. Ce club très fermé compte désormais 1400 membres, c'est 200 de plus qu'en 2014. Mais dommage pour eux, ils sont moins riches qu'avant. Leur fortune globale est en baisse d'environ 6% en raison de la chute des cours des matières premières. C'est une étude de la banque suisse UBS. Eh ben c'est vraiment terrible. Merci beaucoup, 8h08 sur France Info. Il est 10h08 sur la première. Boostez votre journée en suivant la météo avec Fanamalt, boisson énergisante. Vous l'aurez peut-être remarqué ce matin, il y avait quelques gouttes qui sont tombées de la côte sauvage Sainte-Rose à Saint-André. Des averses, bref, fort heureusement. Mais en matinée, bien les nuages se forment parfois dans le sud de l'île, de trois bassins à Petite-Île. Pas de changement côté temps pour cet après-midi, avec des nuages qui vont rester inoffensifs, présents là. Mais pas de pluie installée en montagne, ils vont s'étaler vers les plages cet après-midi. Les principaux sommets resteront malgré tout dégagés. Le vent d'est à nord-est, eh bien, il va garder une bonne allure, 40 à 50 km/h, nous dit Météo France en rafale, entre Saint-Denis et le port, de l'autre côté également vers Saint-Philippe. Pas de houle significative à signaler, la mer est peu agitée. Boostez votre journée en suivant la météo avec Fanamalt, boisson énergisante. Pour ceux qui aiment les courses, vous avez certainement suivi le quintet d'hier sur l'hippodrome de Lyon-Paris. Voici l'arrivée définitive de ce quintet. Hier, il fallait jouer le 9, le 2, le 11, le 6 et le 13. 9, 2, 11, 6, 13. Numéro plus gagnant, 21, 20. Pour ce soir, puisque nous sommes vendredi, le quintet va se courir en nocturne à Vincennes. Ce sera le prix Bohémia, départ prévu 20h35, 15 partants, 2100 mètres à parcourir, 1 million dans la tirelire. Voici les pronostics du Fouineur, du Gire, partenaire. Réunion première qui vous conseille le 7, le 13, le 2, le 5, le 6, le 3, le 9 et le 14. 7, 13, 2, 5, 6, 3, 9 et 14. Pour votre quintet ce soir, Hippodrome de Vincennes, départ prévu à 20h35. Et n'oubliez pas, pour que le jeu reste un plaisir, jouons responsable. Ce matin dans les experts, coup de projecteur sur l'aidant familial. L'aidant familial, c'est cette personne, c'est vous, qui prenez soin sans rémunération de façon constante et régulière d'un membre de votre famille en situation de dépendance, de maladie ou de handicap. Devenir aidant familial, eh bien ça vous tombe dessus comme ça un jour et c'est à bout de bras que vous acceptez de mettre votre vie entre parenthèses pour aider un proche. Ils sont plus de 40 000 à La Réunion, mais combien d'aidants familiaux restent dans l'anonymat et éprouvent de plus en plus de difficultés pour tenir le coup tous les jours. Nous en parlons jusqu'à 11h30. L'aide au répit, l'accompagnement de l'aidant, les aides qui peuvent être apportées, qui peuvent vous être apportées. Eh bien, on en parle au 02 62 99 2000 si vous vous occupez de votre papa, de votre maman, de votre conjoint, de l'un de vos enfants. Vous avez besoin d'aide, ça se passe au 02 62 99 2000. 10h midi, les experts avec Isabelle Waron sur Réunion Première. Le temps pour nos invités de s'installer et nous irons faire un petit tour aussi tout à l'heure du côté de Sillaos. Ben oui, Nana la fête lentille, la haute et bon, on ira avec Karen Batacaré voir ce que vous pouvez trouver. Une bonne balade avec les enfants notamment. On nous revient juste après Maronaz, Délivrance sur la première, à tout de suite. Connais pas amis, ça va ma boussole, c'est mon cœur. Pour toute celle accompagnée, n'y connais pas nawata l'air. Connais pas que ça faut pépi, personne vous causez. Comme collé dans le mauvais soir, ou maman, la blanche fait noir. Pris dans mon gosier, un l'envire pour chaper. Grâce à lui, mon petit pays, lui va sans donne caniki. Qui s'en aurait dit à cause, il nous casse sous la zézou. Un tacon, vous vous en dîner, mon il est sapé. Ça décide, pour lui-même, il s'amasse à pied dans ses magas. Quand même la sienne, les sentier midi. Une fois dans semaine, délivrance. Aloya, maloya, maloya, mon manigance midi. Une fois dans l'an passé, danse. Aloya, maloya, maloya, mon délivrance. avec Nièvre. Mais si Pauline Amasson, on ben mis sera son manœuvre. Donne un petit pied dans la case, quand dans où t'es tiravas, tout mine si ou la vieille la passe. Bouti bouti un beau ménage, quand on passe à Malais. Allez, la petite année, mon corps rentre la dévisée, l'y en baisse à moins dérivée. Sa pied style de Pauline, même mis sa masse à pied dans ses magas. Quand même la sienne, les en sentier midi, une fois dans semaine délivrance. Aloya, aloya, aloya, mon manigance midi, une fois dans l'an passé danse. Aloya, aloya, aloya, mon délivrance. Ça va son boutier, c'est son cœur, puis tout seul accompagné, puis baiser le l'air. Que les mélanges que ça faut faire, son langage faut sauver, ça me commence mal l'auditoire, même si on aide mon pas canard. Si ça n'aurait dit MJ, bout de ma donne la vie dans le pays, il a fait la moitié mon cœur est pris. Si ça n'aurait dit MJ, bout de ma donne la vie dans le pays, il a fait la moitié mon cœur écrit. Sacré style de fou, lui-même, il s'amasse à pied dans ses magas, quand même la sienne, les en sentier midi, une fois dans semaine délivrance. Aloya, aloya, aloya, mon manigance midi, une fois dans l'an passé danse. Aloya, aloya, aloya, mon délivrance midi, une fois dans semaine délivrance. Aloya, aloya, aloya, mon manigance midi, une fois dans l'an passé danse. Aloya, aloya, aloya, mon manigance midi, une fois dans semaine délivrance. Aloya, aloya, aloya, nous délivrance. Quand même la sienne est en sentier. Sac des Sildo, où lui-même mis sa masse à pied. Comme c'est magalisé, quand même la sienne est en sentier. Sac des Sildo, où lui-même mis sa masse à pied. Comme c'est magalisé, quand même la sienne est en sentier. Délivrance, marronnage sur la première. Les experts aujourd'hui consacrés à l'aidant familial. Toutes vos questions, vos témoignages, ça se passe au 02 62 99 2000 par SMS au 70 2000. Samedi et dimanche, de midi à 14h. Tous en première le week-end. Avec Beverly. Votre rendez-vous d'information consacré à l'actualité dans l'océan Indien. L'Afrique, Madagascar et une partie de l'océan Indien s'est préparée. Et des actus insolites avec des places de ciné à gagner. Tous en première avec Beverly. Samedi et dimanche, de midi à 14h sur Réunion Première. L'aidant familial, on en parle. Cette personne qui prend soin au quotidien, eh bien, de manière régulière d'un membre de sa famille en situation de dépendance, de maladie ou de handicap. On en parle, l'aide au répit, l'accompagnement de l'aidant, sa formation peut-être, les aides qui peuvent être apportées, vos droits 02 62 99 2000. Pour vous aider aujourd'hui, pour répondre à toutes vos questions, nous avons avec nous sur le plateau Marilyn Soubadou qui est conseillère départementale. Bonjour. Bonjour Madame Moirot, bonjour aux auditeurs. Appelle-moi Isabelle, sera bon. Bonjour Isabelle. Ça va voilà. Bien ? Ça va, ça va. Très bien. À vos côtés, il y a également Thérèse Basque qui est là. Bonjour Thérèse. Oui, bonjour. Comment ça va Thérèse ? Parle bien dans le téléphone ma fille. Ça va bien. Dans le téléphone, dans le micro sera plus sûr. Ça va bien, merci. Merci à vous d'être avec nous. Huguette Waraud est aussi là, bonjour. Bonjour Huguette Waraud du département. Voilà, direction de l'autonomie. Et également pour nous parler de cette maison de l'aidant, il y a Stéphanie Vergoz. Bonjour. Bonjour. Vos questions, vos réactions, 02 62 99 2000. Mais d'abord, on va aller faire un petit tour à Sillaos. La fête de la lentille est une organisation de la ville de Sillaos. L'association des producteurs de lentilles et Destination Sud Réunion. Bonjour Karen. Bonjour Isabelle, bonjour à vos invités, bonjour à nos chers auditeurs, toujours à Sillaos, au cœur de Sillaos pour cette 26e édition de la Fête Lentille. Eh bien cette fois-ci, je me trouve avec Dominique Boulanger. Vous le savez, la lentille, c'est la star, bien sûr, mais autour de la lentille, ben, y a d'autres choses aussi qui se font, que ce soit le terroir ou l'artisanat. Et aujourd'hui, on va parler de photographie. J'ai de magnifiques tableaux devant moi, de l'éclipse par exemple, et différentes phases de l'éclipse. Et c'est avec notre ami Dominique Boulanger. Comment il est ? Ça va très bien, merci. Ça va très bien. Merci d'être à la fête des lentilles aussi. Et on vous attend tous nombreux à Sillaos pour les lentilles, bien sûr, mais pour venir visiter la galerie. Voilà. Alors, justement, présente-nous en deux mots, Oud Galerie. Alors, si vous voulez bien, je suis photographe depuis 13 ans à Cilaos. Et la force de ce que j'ai, c'est un patrimoine photographique sur Cilaos de mon grand-père. Il est arrivé en 1948 et il m'a laissé tout un héritage photographique. Et bien sûr, je suis toutes mes couleurs aussi. Voilà. Il faut assurer que le grand-père laisse un héritage comme ça, mon ami. Et oui, et je pense qu'il doit être très très fier de moi de là-haut parce que j'ai ses cadres et bientôt des cartes postales de Cilaos longtemps. En tout cas, je vais faire quelques photos pour que vous puissiez voir sur ma page Facebook. Et m'ai envie de demander aussi, la fête lentille, est-ce que Ounina a des photos justement du battage lentille ou des choses comme ça de la production? Oui, je suis toujours à la lentille toutes les années, mais ça dans les champs. Et n'hésite pas à photographier. Mais c'est vrai, je ne cache pas à vous dire, depuis le 1er septembre, il y a eu l'éclipse, il y a eu une éruption volcanique. Et en ce moment, l'expo est ciblée beaucoup là-dessus. À propos de l'éclipse, j'ai pu mentaliser, comme tu l'as dit, j'ai fait peut-être la différence sur certains photographes. C'est à voir et venez absolument voir. Voilà. En tout cas, pendant la fête lentille, vous pouvez voir les différents paysages de Cilaos, du magnifique cirque de Cilaos, du volcan, de l'éruption et de l'éclipse solaire. Et midi, il m'invite quand même, mange un bon petit soupe lentille. Ma pense à vous. La Fête de la Lentille est une organisation de la ville de Cilaos, l'association des producteurs de lentilles et Destination Sud Réunion. Jusqu'à 11h30 dans Les Experts, nous parlons de l'aidant familial. Plus de 40 000 à La Réunion et pourtant certains éprouvent des difficultés. C'est une activité difficile. Il faut tenir le coup physiquement, psychologiquement. Il y a des aides, vous pouvez vous faire aider. Comment, dans quelle situation vous trouvez-vous? Si vous vous occupez de votre parent, si vous vous occupez de votre conjoint, vous avez besoin d'aide, d'un peu de répit, eh bien vous pouvez témoigner, poser vos questions ce matin jusqu'à 11h30 au 02 62 99 2000, également par SMS, le 06 92 70 2000. Quand on parle de l'aidant familial, est-ce qu'on peut dresser un profil de cet aidant? Est-ce que c'est plus généralement un enfant qui s'occupe d'un parent? Est-ce que c'est plus un conjoint? Comment ça se passe à La Réunion? Qui peut répondre à cette question? Stéphanie? Oui, donc Stéphanie donc du GIPSAP, la Maison de l'aide à la personne. Donc depuis 2011, nous accompagnons des aidants. Et les statistiques nous montrent que globalement à La Réunion, ce sont plutôt les belles-filles qui s'occupe du parent âgé, quoi, en fait. Hein. Donc, contrairement à la métropole, on est plutôt sur des conjoints. Ici, effectivement, ce sont plutôt les belles-filles qui s'occupent, généralement des femmes, on va dire, hein, qui s'occupent d'une personne dépendante. Alors, généralement, on l'a dit, ça nous tombe dessus, ça peut tomber sur n'importe qui de devoir s'occuper d'un parent, de beau papa, de belle maman. Qu'est-ce que vous avez justement comme chiffre à nous donner à La Réunion? À La Réunion, il est vrai que effectivement l'INSEE avait effectué une étude qui dénombre à peu près 46 000 aidants. Mais c'est vrai que nous, au niveau du GIP, on accompagne à peu près 2 000 aidants à l'année. Mmh. Et sur ces 2 000 aidants, on va dire 60% de ceux qui s'occupent d'une personne âgée, ce sont des femmes. On n'a pas véritablement, on va dire, globalement des statistiques précises aujourd'hui sur qui est véritablement l'aidant, quelles sont ses difficultés au quotidien, mais c'est vrai qu'à travers l'accompagnement que l'on mène depuis 5 ans, on a pu quand même identifier, relativement des besoins pour lesquels le GIP a pu mettre en place des solutions. Huguette Waraud. Bonjour. Bonjour à vous. Votre sentiment sur l'aidant familial à La Réunion, souvent des femmes, souvent des belles filles qui s'occupent des beaux-parents, des parents âgés généralement. Qui est cette personne que l'on aide? Alors ce qu'il faut savoir, c'est que la présidente du conseil départemental est très sensible justement au travail que fait l'aidant familial. Et c'est la raison pour laquelle elle a créé en 2010 le GIPSAP pour mettre en œuvre justement la politique d'aidant en faveur des aidants familiaux. Parce que au quotidien, elle avait des remontées de personnes qui s'occupaient soit de personnes âgées, mais aussi de leurs enfants handicapés. Et très souvent, lorsque l'enfant grandit et devient adulte, eh bien, les parents se trouvent également en difficulté parce que eux, ils sont aussi dans une situation de vieillissement. Donc, c'est la raison pour laquelle, justement, elle a mis en place le GPSAP pour prendre en compte les aidants, quels qu'ils soient, qu'ils soient pour s'occuper des parents âgés, pour s'occuper des enfants handicapés. Voilà, donc c'était pour soulager l'aidant. Aussi prendre en compte sa situation, parler, dire... Je suis là, je m'occupe de mon parent. Faut pas qu'on m'oublie parce que c'est un vrai boulot à plein temps. Alors c'est un travail à temps plein, 24 heures sur 24. Et c'est vrai que avant 2010, il y a eu une étude menée par l'EMAP, financée également par le département, pour identifier les aidants familiaux à La Réunion, les difficultés qu'ils rencontraient. Et c'est vrai que ce que révèle cette étude, c'est parfois des situations de burn-out, à savoir des personnes qui ne vivent plus que pour la personne qui est aidée, il y a même une relation de fusionnelle avec la personne qui est aidée, au point de s'oublier elle-même et un état de fatigue tel que, sans s'en apercevoir, il pouvait y avoir des situations de maltraitance non voulue, mais du fait justement de vouloir trop s'occuper, de pallier totalement même à la personne qui est aidée. C'est-à-dire que vraiment, on se rend compte, on a de la bonne volonté, mais à un moment donné, il gagne plus, quoi. Et des personnes, justement, qui ont besoin, qui n'ont plus forcément qui n'ont plus de relations sociales, parce qu'ils sont renfermés, justement, pour s'occuper de cette personne, un sentiment de culpabilité si jamais il laisse cette personne seule. Donc un besoin de parole, un besoin d'écoute, un besoin de prendre conscience aussi de leur statut. Parce que il y a tous ces besoins-là qui ont été identifiés dans cette étude et qui justement ont été, qui ont conduit à la création du GIPSAP pour mettre en place des solutions de répit, mais aussi des espaces d'écoute, de parole, de sensibilisation sur la place de l'aidant, sur quelles sont les postures, comment prendre soin de soi pour prendre soin de l'autre. Et ça, c'est très important. Marilyn Soubadou, on vous sent aussi, vous êtes très touchée par ce que dit justement Huguette Waro quand on parle de la situation de l'aidant qui parfois, souvent même, s'oublie au profit de la personne qui est aidée. Il est vrai, tout à fait. Ce que Huguette Waro est en train de dire, c'est une vérité, puisque nous voyons aujourd'hui, Dieu merci, on a encore cette solidarité au sein des familles réunionnaises. Ça l'est toujours vrai, ça. Hein? Ça, oui. Comment abandonner une personne âgée? Comment laisser tomber maman, papa, que les dents en difficulté. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, cette solidarité familiale, elle est très importante. Et moi, actuellement, on est dans la situation. Mm-hmm. Donc, les pas évident parce que, l'effort, les intenses, les moments, il faut vivre à l'île pleinement parce que, justement, la personne atteinte, les dents n'ont sont ressentis au fil du temps, comme ça, et où prend comme il vient, avec l'émotion, avec tout ce qu'on en a autour, mais il faut faire avec. Parce qu'on n'est pas formé, parce qu'on ne connaît pas comment faire, on devient d'un coup infirmier, médecin, psychologue, conseiller, tout ce qu'il faut, et pour justement que la personne atteinte soit et un moment de bien-être, quoi. Après, quand il retrouve sa forme, il dirait bon, si forme il y a, voilà, si forme il y a, voilà. Mais enfin, il veut dire, il faut que l'aidant soit vraiment présent, et il faut vraiment avoir la volonté aussi, le vouloir, parce que quand bien même on aurait envie de mettre ces personnes en structure, malheureusement, nous n'avons pas de place pour tout le monde. Pas forcément. Donc, voilà. Donc, on est obligé de devenir, au fil du temps, médecin, infirmier, enfin, voilà, on est là pour les petits, les gros bobos, on est à l'écoute, et on participe, enfin, vraiment, on accompagne vraiment, c'est important. Vous êtes vous-même aidant familial, vous êtes à la maison, vous vous occupez d'un parent, d'un proche, de vos parents, et éventuellement de l'un de vos enfants. Comment vivez-vous cette situation? Vous avez envie de nous en parler, vous avez envie de nous faire part de vos difficultés. Nous allons le voir jusqu'à 11h30, il peut y avoir des aides, des moments, des endroits où on peut aller pour discuter, et ça c'est important. Stéphanie, les personnes que vous rencontrez, les aidants familiaux que vous voyez, avec qui vous êtes en contact, est-ce que, comme l'a dit Marilyn Soubadou, il y a un moment donné ce côté où on se sent coupable parce qu'on n'en peut plus parfois, parce qu'on est fatigué, et pourtant on n'a pas envie de lâcher, on n'a pas envie de laisser. Coupable parce qu'on ne sait pas quoi faire. On ne sait plus quoi faire, parce qu'on n'a pas envie de laisser maman, c'est on n'a pas envie de se dire, bon allez, si on plaçait mamie quelque part. Et ben justement, pour ces personnes-là, on les accompagne. On connaît leurs difficultés et justement les actions qu'on a mis en place, c'est justement pour pouvoir les accompagner et faire de sorte qu'ils puissent assurer ce rôle de façon optimale. Donc on les invite et généralement donc à venir dans des cafés des aidants. Mmh. Donc des cafés des aidants, ce sont des lieux d'échange et de partage d'expériences. Donc ce sont des cafés qui sont animés par un psychologue et un travailleur social. Donc à travers ces cafés, ils ont la possibilité de pouvoir effectivement exprimer leurs difficultés et pouvoir trouver une écoute et pouvoir échanger avec d'autres aidants sur des difficultés qu'ils rencontrent au quotidien et peut-être venir trouver des astuces, des solutions et pouvoir être informés des différents dispositifs. Donc toutes ces personnes-là qui sont dans des difficultés et qui effectivement sont dans une situation de burn-out et qui ont besoin effectivement de pouvoir parler de cette problématique, effectivement nous avons mis en place des cafés des aidants dans tous les secteurs de l'île, on va dire, dans le nord, dans l'ouest et dans le sud, mmh. et bientôt dans l'est. Donc ils ont la possibilité d'être accompagné. C'est surtout ça qu'il faut qu'on dise aujourd'hui, c'est qu'il ne faut pas rester avec vos difficultés, il faut venir en parler. Et ces cafés des aidants, croyez-moi, ce sont vraiment des lieux où ils peuvent tout lâcher et tout dire, et ils peuvent bénéficier ensuite même d'entretiens individuels avec un psychologue. Et ça, c'est important, et on va le dire jusqu'à 11h30, vous êtes aidant familial. Il vous sera peut-être difficile aujourd'hui de prendre votre téléphone et de témoigner comme ça à la radio, mais n'hésitez pas, on va donner plein de numéros de téléphone. On va vous aider, vous accompagner jusqu'à 11h30 pour vous expliquer qu'il y a moyen de venir discuter. Vous l'avez entendu avec Stéphanie, il y a des psychologues qui sont là pour ça. On a au téléphone Nathalie de Saint-Joseph, c'est ça ? Non, c'est pas Nathalie de Saint-Joseph ? Ah pardon, c'est Patricia Duport. Bonjour Patricia. Bonjour. Bonjour Patricia, vous êtes aidante familiale vous-même ? Non, je ne suis pas aidante familiale, mais je voudrais tirer mon chapeau à ma petite sœur qui est aidante familiale. Oui. Pour maman et papa, qui ont un certain âge. Mmh. Mais je voudrais aussi dire que c'est des gens, c'est vrai qu'ils mettent la vie personnelle entre parenthèses pour pouvoir aider les parents. Mais souvent, ils n'ont plus de temps pour eux. Mmh. Mais je pense que la famille autour devrait pouvoir aussi soulager. Et des fois, malheureusement, on a le comportement de dire ben, « elle est payée pour ça ». Elle est payée pour ça ? Elle est payée pour ça, ben, pour aider les parents. Elle est payée pour ce qu'elle est payée, quelques heures. Malheureusement, les heures sont de plus en plus rares. Et ces personnes ne comptent pas les heures qu'ils font. Il n'y a pas de moment où elle n'est pas là. Il y a au dernier moment, c'est malade, pour emmener chez le médecin. Elle est obligée de décaler ses choses personnelles pour pouvoir aller emmener les parents chez le médecin. Et puis, ben voilà. Après, moi personnellement, je suis en sorte de prendre le relais pendant le week-end. Où il y a des moments où je ne travaille pas, ben je prends le relais. Il n'y a même pas lieu de demander parce que je trouve que c'est tout à fait normal. Et donc, souvent, des fois, ben, c'est des gens qui sont tous les jours chez les parents. Et les parents, les personnes âgées, quand même, à certains moments, ils ont aussi des moments où ça va, ou des moments où moralement ça ne va pas, ou des moments où eux aussi ne comprennent pas, ou sont fatigués de leur situation de maladie ou autre. Et donc, moi, je tire le chapeau à un petit peu parce que je trouve que... c'est elle, dans une famille de 10, c'est elle qui s'occupe des parents. Et puis, ben voilà, dès que je peux, je prends le relais. Mm-hmm. Donc après, je tiens le chapeau aussi à tous les aidants, parce que je connais d'autres personnes qui aident aussi, et qui, d'autres personnes qui souvent, malheureusement, subissent aussi le regard de la famille, comme si que, ben, ils sont payés. Ils sont payés pour aider. Ben mon Dieu, qu'est-ce qu'ils sont payés, hein? Patricia, ouais. Comment s'est fait le choix pour votre petite sœur, que ce soit elle qui aide ? Je pense qu'elle habitait à proximité. On le faisait déjà sans être payé. Ouais. Donc, le choix s'est fait... Elle était plus proche. Elle était plus proche. Je veux dire, avant, ils n'avaient pas droit aux aides de mes parents, mais ils ne conduisaient pas, on n'habite pas à proximité de la ville, elle était la plus proche. Et elle ne travaillait pas, elle avait ses enfants, elle ne travaillait pas, donc après, ben voilà. Depuis, c'est toujours elle. Est-ce que vous sentez... Hein. Oui, bah, j'imagine bien que c'est dur. C'est dur pour elle, parce que les parents arrivent à un âge, ben, ils vont partir. Malheureusement, ils vont partir, mais on sait très bien qu'ils vont partir. Je pense qu'à ce moment-là, ça va être très dur pour elle. Sa vie va être vide. Est-ce que vous sentez, vous, parfois, Patricia, que votre sœur, elle a aussi besoin de souffler, de repos? Est-ce que vous allez prendre... Eh bien oui, il y a des week-ends, elle part. Il y a le dispositif qui existe. Hein. Mm. Avec Jessie Laos, il n'y a pas trop longtemps où elle me disait qu'elle était partie à un pique-nique. Ben, ça lui fait du bien, elle part avec son mari, donc ça lui fait du bien, elle. Elle en a besoin. Elle en a. Quel est le prénom de votre sœur, Patricia? Suzy. Eh bien, on fait un gros bisou à Suzy et on lui tire notre chapeau. Merci de votre témoignage, Patricia. Merci beaucoup. Marilyn Soubadou, qu'est-ce que ça vous inspire, le témoignage de Patricia? On le voit souvent dans une famille, la nana dit marmaille, il faut nana haine, il prend le... Ouais. Hier, ça a été ma question à Stéphanie Vergoz. Est-ce qu'on a le choix? Malheureusement, on ne choisit pas. Ça nous tombe dessus. Et c'est vrai qu'il y a des enfants qui, d'emblée, vous disent, voilà, je prends la responsabilité, c'est moi qui va prendre le relais plus tard. M'y occupe. Mais voilà, moi, je suis d'accord pour occuper mes parents, enfin, voilà, la famille, quoi. Mais des fois, malheureusement, on n'a pas le choix. Ça nous tombe dessus et puis, ben, il faut faire avec, quoi. Stéphanie? C'est vraiment j'ai pas une caractéristique, c'est vrai, à La Réunion, mais on rencontre beaucoup d'aidants qui ont effectivement cette difficulté, lorsqu'il y a des fratries, de laisser, on va dire, un seul membre de la famille s'occuper du parent. Et c'est vrai, ce que nous, on propose à ces aidants-là, et même, je pense qu'au niveau du conseil départemental, ça se fait déjà, c'est de mettre en place de la médiation familiale. Après, effectivement, on peut pas obliger... Pourquoi de la médiation, Stéphanie? Justement, pour réunir la famille autour de la prise en charge de son parent et de voir concrètement comment chacun, par rapport à ses propres, sa propre vie, son activité professionnelle, sa situation familiale, comment chacun pourrait venir aider, on va dire, l'aidante principale, quoi, hein, celle qui est là au quotidien pour la soulager et puis pour qu'ils prennent aussi la responsabilité de leur rôle. Est-ce que souvent, certains frères et sœurs qui ne sont pas en charge du parent ou de la personne aidée, certains frères et sœurs ont du mal à se rendre compte de, au quotidien, qu'est-ce que ça représente comme boulot, comme investissement personnel. En fait, il faut leur expliquer parfois. Oui, vous avez beaucoup de situations. Vous avez pas mal d'aidants, on va dire, dans la fratrie. Vous avez des enfants qui sont plutôt dans le déni. C'est-à-dire, pour eux, ils n'acceptent pas que le parent est vieillissant et dépendant. Mmh. Donc, pour eux, les parents... Tout va bien. Voilà, tout va bien. Tu viens le dimanche, tout va bien. Ils sont dans le déni. Vous en avez d'autres qui sont prêts à venir, mais qui n'ont pas la possibilité parce qu'ils ont eux-mêmes leur propre activité, etc. Donc, on a vraiment beaucoup de situations qui fait que, ben, au final, tout ça ajouté, ben, fait que c'est toujours les dents principales qui se retrouvent à aider la personne. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment aujourd'hui, le message que moi je souhaiterais passer, c'est que lorsque vous êtes à plusieurs frères et sœurs, bien sûr, on n'occulte pas que chacun a sa propre vie, que chacun a ses difficultés, etc. Mais prenez un temps, discutez avec votre sœur ou votre frère qui s'occupe de votre parent ou de votre parent pour voir comment vous pouvez l'aider. Comment vous pouvez l'aider? Venir même une heure, venir un samedi, venir un dimanche midi, prendre un week-end, etc. Je pense que les solutions sont possibles. Maintenant, il faut effectivement le vouloir et le pouvoir. Mais au niveau du GIP et même au niveau du conseil département, vous pouvez trouver des aides pour pouvoir effectivement vous accompagner dans cette démarche-là, de pouvoir réunir la famille et d'avoir des professionnels qui sont là pour pouvoir mettre les familles face à leurs responsabilités et face aussi à la difficulté que peut éprouver un aidant dans la prise en charge d'une personne dépendante. C'est vraiment une difficulté au quotidien puisque ça ajoute effectivement des aidants qui vieillissent, mais des aidants pour lesquels il y a des problématiques de santé. Donc nous, on le voit au quotidien aussi, c'est qu'eux-mêmes, ils s'oublient, ce que disait Huguette tout à l'heure, c'est que vous avez beaucoup d'aidants qui oublient parfois de partir chez le médecin. Oui, mais enfin, en même temps, il faut avoir le temps. Aussi. Le trouver, ce temps-là, c'est compliqué, parce qu'on est tranquille que quand la personne qui est aidée, il dort, ou... Alors, et même ça, on est toujours inquiet, quoi. Si mamie a un Alzheimer, si papier cardiaque, c'est toujours un peu compliqué, quoi. Alors nous, effectivement, au niveau du GIPSAP, on a mis en place depuis 2011 une prestation qui permet justement aux aidants de pouvoir s'absenter de temps en temps, effectivement, pour pouvoir dans un premier temps s'occuper d'eux. Déjà. Donc en priorité, si effectivement il y a des rendez-vous médicaux, bah, de pouvoir y aller. Et ensuite de pouvoir vaquer à des occupations qu'ils n'ont plus l'habitude. Pour certains, c'est reprendre une activité physique. Pour d'autres, c'est aller faire du shopping. Pour d'autres, c'est aller chez le coiffeur. Donc c'est c'est vraiment redonner aux gens vraiment cette possibilité de se retrouver, quoi, hein, je veux dire, dans par rapport à leur propre vie. Donc, que répondre? On a entendu cette petite phrase de Patricia tout à l'heure qui a fait tiquer, hein, quand il y a un membre de la famille, un des frères et sœurs qui dit à l'autre « Oui, mais elle est payée pour ça. » C'est son travail, après tout. C'est tout, effectivement, l'art de comprendre effectivement qu'effectivement au niveau des dispositifs d'aide qui sont financés, vous avez effectivement, on a la possibilité de salarier, on va dire, un membre de la famille. Mais comme l'a bien dit Patricia, c'est très peu d'heures en fait, hein, qui sont salariés. C'est pas grand chose, puisque dans une, vous faites le compte, une journée de 24 heures, vous enlevez 2 heures, il reste quand même 22 heures où sa sœur s'en occupe. Là, donc, dans un point de majorité non. de majoration de jours fériés. Peut-être même pas de congé pris. Donc au final, il faudrait que vraiment la fratrie se met vraiment autour d'une table et on puisse faire ce décompte-là pour vraiment leur montrer qu'au final, c'est que 2 heures dans 24 heures et dans une année, on en rajoute, hein, 365 jours. Donc vraiment prendre conscience qu'il faut, voilà, il faut aider et prendre ses responsabilités aussi en tant qu'enfant vis-à-vis de son parent. Un sujet difficile, mais il faut en parler, l'aidant familial. Plus de 40 000 à La Réunion, mais combien restent dans l'anonymat, éprouvent des difficultés à s'occuper de leurs proches, n'en parlent pas. Il existe pourtant des dispositifs pour aider, au moins soulager. Vous écoutez et on en parle aujourd'hui jusqu'à 11h30, 02 62 99 2000 pour apporter votre témoignage, poser des questions. Si vous devez vous occuper de l'un de vos proches, il y a des aides. Lesquelles? 99 2000, à tout de suite. I threw a bottle in the air and it smashed into 1,000 pieces on a concrete street where the children play a bit fiddle. As fast as we could, 'cause I might have walked the neighborhood. Yeah, I don't feel too good. No, no, no, I don't feel too good at all. Ooh. 'Cause when the sun comes up and the children wake, I get on the street to play. Yeah, I'll be the one to blame. 'Cause I'm a criminal, I'm a criminal. I'm a criminal, I'm a criminal. I'm a criminal, I'm a criminal. I'm a criminal, I'm a criminal. Ooh. It didn't last too long. Now I passed out, I woke up and the guilt was gone. Without a care, I went down the stairs into the kitchen, eat my breakfast there. Ooh. Turn on the television screen, emergency news team. Little girl crying on the street, saying glass, glass, glass, make my feet bleed. Oh, tell me what I'm gonna do, or oh, I'm for sure done. I said, oh, what am I gonna do? I have no choice but to run. 'Cause I'm a criminal, I'm a criminal. I'm a criminal, I'm a criminal. I'm a criminal, I'm a criminal. I'm a criminal, I'm a criminal. Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh. Change my name and move to Mexico. I dye my hair red and get surgery on my nose. Buy a small condo, oh yeah. I stay low in Mexico. I don't, it sounds so sweet. I get a wife and raise a family. I start my own limousine company. I stay low in Mexico and they go. Stay low in Mexico, yeah. I stay low in Mexico. Stay low in Mexico. It never snows in Mexico. 'Cause I'm a criminal, I'm a criminal. I'm a criminal, I'm a criminal. I'm a criminal, I'm a criminal. I'm a criminal, I'm a criminal. Yeah, I'm a criminal, I'm a criminal. I'm a criminal, I'm a no, I'm a criminal, I'm a criminal. I'm a criminal, I'm a criminal. Yes, I'm a criminal, I'm a criminal. I'm a criminal, I'm a criminal. Yeah, I'm a criminal, I'm a criminal. Le 02 62 99 2000 est à votre disposition jusqu'à 11h30. Ensemble, nous parlons de l'aidant familial, celui qui, eh bien, de façon constante, régulière, prend en charge un membre de sa famille en situation de dépendance, de maladie ou de handicap. L'aide au répit, votre accompagnement, vous pouvez être accompagné, vous qui vous occupez de quelqu'un, les aides qui peuvent être apportées, vos droits, simplement vous écouter. Ça se passe au 02 62 99 2000 pour vous aider. Vous conseillez Marilyn Soubadou, qui est conseillère départementale, Stéphanie Vergoz, directrice du GIP SAP, comprenez la maison de l'aidant. Thérèse, qui est avec nous, elle est aidante familiale. On va l'écouter dans un instant. Elle s'occupe, elle, de sa fille. Et puis Huguette Waraud, la direction de l'autonomie 99-2000. N'hésitez pas à poser toutes vos questions. Les experts, vos questions au 02 62 99 2000. Vos SMS au 06 92 70 2000. Frédéric de Saint-Paul est avec nous pour une question. Bonjour Frédéric. Frédéric ? Oui, bonjour. Bonjour. Ce serait pour savoir, pour une personne qui n'est pas reconnue en tant qu'aidant, et qui aide une personne de la famille, en fait. Alors, expliquez-nous un petit peu, Frédéric, c'est-à-dire ? Alors, c'est une personne qui aide son tonton. D'accord. Qui est malade. Mmh. Et elle, par rapport à la famille, elle n'est pas reconnue comme aidant, tout simplement. Par rapport à la famille, c'est-à-dire ouais. que cette personne qui aide n'est elle-même pas un membre de la famille ? Si, bah si. Si, c'est son tonton. Si, si, mais d'accord. elle n'est pas reconnue en tant qu'aidant. C'est-à-dire qu'elle, il a sa famille à côté, mm-hmm. il est parent. Oui. Et le fait d'aider la personne qui est, on va dire, entre parenthèses, handicapée, oui. Elle est contraignante au niveau de la famille, en fait. Elle n'arrive pas à vivre sa propre vie, en fait. Ah, si j'arrive à bien m'expliquer. D'accord, ça y est, on commence à comprendre. Stéphanie, qu'est-ce que vous avez envie de dire à Frédéric ? Tout simplement que vous pouvez donner notre numéro de téléphone à votre tante, je crois, c'est ça ? Oui. Mmh. Voilà, vous lui donnez notre numéro, le 0800 530 002. Elle nous contactera et puis on a des infirmières donc, au niveau de notre structure qui vont reprendre contact avec elle et vont lui proposer un entretien. Et par rapport à cet entretien, elle va évaluer un petit peu sa situation, voir quelles sont ses difficultés pour pouvoir bien l'accompagner et lui proposer les solutions qu'on peut proposer, nous, au quotidien, aux aidants. D'accord, ok. Vous pouvez me redonner le numéro ? 0800 530 002. 530 002. De toute façon, 0, 8, on redonnera au cours de l'émission jusqu'à 11h30 ce numéro de téléphone, Frédéric, d'accord ? Ok, merci. Merci à vous. Au revoir. Et beaucoup de courage à votre tante. Alors justement, Stéphanie, il doit y avoir beaucoup de gens en train d'écouter cette émission et qui se disent, mais en fait, je suis aidant familial, moi, puisque je m'occupe de mon membre de ma famille, de maman. Il est important de se signaler, de dire coucou. Je suis là, je suis aidant familial, j'ai peut-être besoin d'aide et j'ai peut-être droit à quelque chose. C'est important comment on fait pour se signaler. Justement, il y a ce numéro de téléphone-là. Alors, il y a déjà le numéro de téléphone, oui, donc je répète, le 0800 530 002, donc un numéro vert qui a été mis en place depuis 2012, donc qui permet donc aux aidants déjà de pouvoir bénéficier d'une écoute, qui est très importante lorsqu'on est dans un rôle d'aidant au quotidien, avec, on va dire, avec un épuisement à la fois physique, mais surtout psychologique. Et aussi, ils ont, on va dire qu'on se signaler aidant, on va dire que il n'y a pas de statut aujourd'hui qui dit que il y a une définition effectivement, il y a une définition au niveau de la loi ASV, une nouvelle loi qui a été votée donc en décembre 2015 qui donne effectivement une définition légale de l'aidant. Après effectivement, se signaler auprès de nous, c'est lorsqu'on rencontre généralement une difficulté. Mmh. Donc la première fois que les aidants nous appellent, c'est surtout pour nous signaler des difficultés. Mais on est aussi là pour accompagner les aidants dans leur rôle, mais de façon préventive, puisque vous avez des aidants qui n'ont pas forcément besoin d'être accompagnés, dans le sens où ils ne rencontrent pas forcément des difficultés, mais il faut quand même pouvoir trouver une écoute, pouvoir trouver des espaces et pouvoir aussi s'autoriser à avoir du répit pour justement prévenir des problématiques qui pourraient survenir dans cet accompagnement. Puisque c'est parfois ce que n'entrevoient pas, on va dire, les aidants. Ils sont au quotidien, dans leur quotidien, ils accompagnent, mais ils ne voient pas qu'il peut y avoir des conséquences sur leur santé, sur la vie de famille, etc. Donc c'est toujours un accompagnement, on va dire, en amont, pour pouvoir d'une part leur donner toutes les informations nécessaires sur quelles sont les solutions, si demain il a une difficulté auprès de qui ils peuvent se renseigner. C'est vraiment aussi accompagner tous les aidants en fait, hein, quelles que soient les personnes qui s'occupent d'une personne âgée, d'une personne handicapée ou d'un proche malade, c'est pouvoir aussi bénéficier de toute l'information nécessaire pour pouvoir, lorsque la difficulté arrive, de pouvoir actionner les différents dispositifs et numéros de téléphone qui leur sont à disposition. Donc, de façon générale, on accompagne tous les aidants. Il faut de toute façon se signaler, se déclarer. À un moment donné, de toute façon, ça va servir. Voilà. 02 62 99 2000, nous parlons ce matin et nous donnons la parole aux aidants familiaux. 02 62 99 2000. Tout sport sur Réunion Première. Cette année encore, trois menus sont proposés aux dévoreurs de dénivelé que sont les trailers. Ça s'appelait le semi-raid, ensuite c'est passé sur le trail de Bourbon, on était autour de 90 km. En fait, j'ai tout connu, la tête il gonfle, je lui il gonfle, et puis j'ai le ballon. À tout sport, tous les vendredis à 18h15 sur Réunion Première. On rejoint Karen tout de suite. La fête de la lentille est une organisation de la ville de Cilaos, l'association des producteurs de lentilles et destination Sud Réunion. Et comme à chaque fois, on compte sur Karen pour toujours être bien accompagnée. Ce coup-ci, on est avec Frédéric Figuin, Karen. Exactement, ma chère Isabelle. Frédéric Figuin qui est adjoint à Cilaos. Délégué donc à l'animation et à la culture. Et bien ça tombe bien, on est dans la 26e édition de la fête lentille. Bonjour monsieur Figuin, ça va bien? Oui, bonjour, ça va très très bien, et vous-même? Ça va super. Alors cette 26e édition de la fête de la lentille dans ce beau cirque de Cilaos. Oui, on a eu cette chance, c'est vrai qu'aujourd'hui il fait beau, et hier aussi il faisait beau, et on a eu la chance que hier on a eu l'élection de la reine de la lentille. Ça s'est super bien passé, on avait du monde, et bien sûr on vous attend encore aujourd'hui avec la jeunesse, la troisième jeunesse depuis 9h ce matin, les bus c'est déjà arrivé, on est plus de 60 bus sur Cilaos, on a le soleil, on a les femmes, et alors on n'attend plus que vous. Alors justement hier soir à la reine de la lentille, hein, c'était qui alors? Alors, on a la nouvelle reine de la lentille, c'est Ophélie Baïf, originaire de Peterbot, qui est la nouvelle reine de la lentille. Super. Alors aujourd'hui, c'est la journée de troisième jeunesse, plus de 60 bus. On l'a vu hein, depuis grand matin, la police municipale s'affaire pour que tout soit bien orchestré. Qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Alors, dans quelques minutes, dans 10 minutes exactement, on va faire l'élection de la mamie de Cilaos, la mamie de Cilaos, et juste après, on aura la mamie lentille de la Réunion. C'est super ça, ben, on va y aller tous les deux. Tout à fait, je vous attends et vous allez m'accompagner pour danser juste après, parce qu'on a le grand bal dans la cour du collège, le grand bal avec la troisième jeunesse. Merci beaucoup, Frédéric Figuin, adjoint à l'animation et à la culture dans le cirque de Cilaos. La fête de la lentille est une organisation de la ville de Cilaos, l'association des producteurs de lentilles et destination Sud Réunion. Et on rejoindra Karen à Cilaos tout à l'heure, après 11h. Les experts, on continue jusqu'à 11h30. L'aidant familial, qui est-il? Comment peut-il être aidé? On en parle autour de la table. Marilyn Soubadou, qui est conseillère départementale. Stéphanie Vergoz, qui est directrice à la maison de l'aidant, le GIP SAP. Thérèse, qui est avec nous, qui est aidante familiale. Dans un instant, on va l'entendre. Elle s'occupe de sa fille, Thérèse. Et Huguette Warraud, de la direction de l'autonomie. Avec nous, eh bien, il y a Patricia de l'Ouest, qui a composé le 02 62 99 2000. Elle est aidante familiale. Bonjour Patricia. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui vous a poussé, Patricia, à composer le 99 2000? J'écoute depuis tout à l'heure l'émission et c'est vrai que je n'ai jamais osé dire ce que je ressens en aidant mon mari et ce qui s'est passé, et je me suis beaucoup repliée sur lui. Et je voudrais passer un message parce que c'est vrai que quand ça nous arrive, c'est une brutalité. Pour moi, ça a été brutal. Il s'est retrouvé malade du jour au lendemain, dans l'incapacité de continuer à travailler, lui comme moi. Et là, c'est là où tout se ferme, toutes les portes, tous les amis, on n'en a plus. On se retrouve seul. Moi, j'aide mon mari. Qui a un gros handicap. Et je tiens à signaler quand même que j'ai une grosse admiration pour lui. Parce que malgré tout, c'est lui qui nous donne le courage, c'est lui qui se bat et qui nous montre qu'il faut avancer. On a trois enfants, c'est lui qui leur a montré comment il fallait continuer dans les études, comment il fallait avancer dans la vie de tous les jours et se battre. Mmh. Bon, on est beaucoup aidé par tout ce qui est milieu médical, c'est-à-dire kiné, médecin et tout. Mmh. Mais sur le plan familial, de son côté, aucune aide. Oui. Je n'ai aucune aide. Personne ne prend le relais à votre place de temps en temps, Patricia? Non. Pas au niveau de la famille de mon mari. Mm-hmm. Mais par contre, au niveau de mes filles, oui. Mm. J'ai beaucoup de soutien au niveau de mes enfants. Oui. Et je les remercierai jamais assez, quoi. Ce besoin, Patricia, de parler, de dire que tiens, aujourd'hui je suis fatiguée, il m'arrive ça, moi aujourd'hui. C'est important, ça, on a toujours besoin de ne pas couper le lien social. Oui, oui, oui. C'est très important. Et mais je vous dis, sur ce plan-là, vous ne trouvez jamais une écoute sur le plan ami. Les amis se sont retirés, nous ont fermé leurs portes. Et si c'est pas la famille proche, c'est-à-dire enfants, moi, je n'ai personne. Ou médecin, enfin, je veux dire, autre que plan médical. Hein. Oui. Est-ce que vous arrivez parfois dans des situations, Patricia, on va se dire les choses, on est entre nous, oui, hein. Oui. Vous en avez marre, quoi. Oui. Ça m'arrive très souvent. Et là, qu'est-ce que vous faites dans ces cas-là? Vous appelez qui? Vous faites quoi? Vous en sortez comment? Qu'est-ce qui vous fait tenir? Lui. Mmh. C'est le fait de le voir se battre qui me dit que moi, je n'ai pas le droit de baisser les bras. Et Dieu sait qu'on imagine que ça doit être difficile. On entend beaucoup d'émotions dans votre voix, Patricia. Mmh. C'est pas toujours facile. En tout cas, Patricia, ce qu'on va faire, c'est qu'on va garder votre numéro de téléphone. D'accord. Parce que vous n'êtes pas seule. Oui, mais on m'avait proposé, parce que il y a Lara qui le suit, et on m'avait proposé les cafés, mais je ne me sens pas en état d'aller vers les autres. Patricia, Stéphanie, qu'est-ce qu'on peut dire à Patricia? Alors, effectivement, on sent de la détresse. Oui, hein. Oui, là, je pense que pour vous, effectivement, le café des aidants n'est pas adapté, on va dire, puisque non. Vous avez. Par contre, ce qu'on propose, c'est des entretiens individuels. Ah. Donc, à ce moment-là, si ça vous intéresse, nous avons donc des psychologues qui sont à disposition, qui peuvent vous proposer un entretien individuel. À ce moment-là, vous pouvez nous contacter au 0800 530 002 et la psychologue reprendra contact avec vous si tel est votre besoin aujourd'hui. Et ça peut être important pour vous, Patricia. D'accord. Vous pouvez me redonner le numéro, s'il vous plaît? Le 0800 530. Attendez deux petites secondes, je prends un stylo. On sent beaucoup d'émotions et il doit y avoir beaucoup de Patricia hein, sur l'île. Hein, à se battre, à être seule, à s'occuper d'un parent, d'un proche, d'un conjoint. J'ai eu beau m'adresser à sa famille, à lui, mais personne ne veut s'en occuper. Et jour où il a commencé à être malade... Mmh. Parce qu'il est encore jeune, très jeune même. Et ça a commencé il y a plus de 10 ans maintenant. Oui. Et de ce jour-là, sa propre famille l'a lâché, quoi. Mais heureusement, vous êtes là, hein, Patricia. Ouais. Alors 0800 oui. 530 oui. 002. 002. Oui. Et nous, de notre côté, on va donner vos coordonnées à Stéphanie, d'accord? D'accord. Vous n'êtes pas seule, Patricia. Je voulais passer un message aussi à mon mari et lui dire un gros bravo. Et à mes enfants, un gros merci pour tout ce qu'ils font. Merci et bravo à vous, Patricia. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Ne vous inquiétez pas. Cette fois-ci, on a votre numéro de téléphone et ne vous inquiétez pas, la prochaine fois que vous serez seule, eh bien, vous saurez trouver une écoute. On sent beaucoup d'émotions et on voit... c'est quoi ça? Des petites larmes dans vos yeux? C'est notre Stéphanie, quotidien. C'est ce que vous entendez tous les jours. Tous les jours, oui. Et même ça vous fait je veux dire moi-même qui est jeune, vous pensez aussi à vos parents, comment ça va se passer si effectivement demain ils sont vieillissants et dépendants, comment ça va se passer, toutes les difficultés, est-ce qu'on va pouvoir les accompagner. Donc quand on voit ça, effectivement on tire le chapeau hein, à tous ces aidants familiaux qui ont cette volonté, ce courage d'aider au quotidien. C'est un combat de Huguette. Tous les jours. C'est un combat de tous les jours. Et je siège également à la CDAPH, à la commission de l'MDPH. Mmh. Et on voit des aidants qui... parce que dans le cadre du handicap, il y a la possibilité d'être reconnu aidant et d'être indemnisé à ce titre, ce qui n'est pas le cas pour les personnes âgées. Et on voit ce combat de tous les jours que mène l'aidant, que ce soit pour un enfant, que ce soit pour son mari, que ce soit pour sa sœur. Et c'est admirable parce que c'est sacrifier sa vie pour l'autre et en même temps tirer sa force de l'aidant. Parce que justement, tant qu'il y a, je ne sais pas, c'est comme de l'espérance. Et c'est plus fort que soi, c'est l'admiration, le courage de la personne qui est dans une situation de dépendance et qui donne aussi de la force à l'aidant pour le quotidien. Ces liens d'amour qui se tissent, c'est fusionnel. Marilyn Soubadou, ça doit être terrible d'aimer quelqu'un, de regarder son proche, de devoir s'en occuper et en même temps, c'est la personne qui fait qu'à un moment donné, vous arrivez à un stade où vous n'en pouvez plus, quoi. On est vraiment déchiré là. C'est vrai, mais bon, malheureusement, c'est la triste réalité. On est face à tout ça et puis on se dit, allez, on se bat pour cette personne, pour qu'elle finisse ses jours le mieux dignement. Possible. Voilà. Le mieux possible. Le mieux possible, tout à fait. Et pour nous-mêmes, on se dit, allez, ça vaut le coup parce que c'est des moments forts qu'on passe ensemble. Et puis bon, voilà quoi. Dans un instant, on va donner la parole, après le journal, à Thérèse qui est avec nous. Elle est aidante familiale, elle s'occupe de sa fille. Tout ce qui se dit, tout ce que l'on est en train d'évoquer, ça lui parle énormément à Thérèse. Ça va Thérèse ? Ça va bien, merci. On va vous donner la parole dans un instant après le journal. Les aidants familiaux, on en parle jusqu'à 11h30 dans Les Experts. À tout de suite. I won't lie to you. I know he's just not right for you. And you could tell me if I'm off, but I see it on your face when you say that he's the one that you want. And you're spending all your time in this wrong situation, and anytime you want it to stop. I know I can treat you better than he can, and any girl like you deserves a gentleman. Tell me, why are we wasting time on all your wasted crime when you should be with me instead? I know I can treat you better than he can. I'll stop time for you the second you say you'd like me to. I just wanna give you the loving that you're missing, baby, just to wake up with you will be everything I need, and this could be so different. Tell me what you want to do. 'Cause I know I can treat you better than he can, and any girl like you deserves a gentleman. Tell me, why are we wasting time on all your wasted crime when you should be with me instead? I know I can treat you better than he can, better than he can. Give me a sign, take my hand, we'll be fine. Promise I won't let you down. Just know that you don't. Il est 11h sur la première, voici le journal. L'info à 9h, c'est avec Jean-Christophe Martin. Bonjour Jean-Christophe. Bonjour Marie, bonjour à tous. Qui a gagné? Qui a perdu? Le premier débat télé de la primaire à droite a surtout permis aux 7 candidats de s'expliquer face aux Français. On y revient dans un instant. On connaîtra aussi d'ici quelques minutes le chiffre le plus attendu ce matin, celui de l'audience du débat. On vous le donne dès qu'on l'a. Une ambiance de veillée d'armes à bord du Charles de Gaulle avant le déclenchement de la bataille de Mossoul. Récit dans quelques minutes avec l'envoyé spécial de France Info à bord du porte-avions. Et l'alerte météo revue à la baisse dans l'Hérault qui repasse ce matin en orange. On va y revenir. France Info. 2 heures de débat et pas de pugilat. 17 minutes pour chacun des candidats. À l'arrivée, pas vraiment de gagnant, pas vraiment de perdant. 7 candidats dans l'entonnoir de la primaire, dans un premier débat télé qui a permis à chacun d'exposer son programme et peut-être surtout d'affirmer un tempérament. Débat globalement poli. En tout cas, les gants de boxe étaient restés au vestiaire. Yael Gauz. Surtout, pas de pugilat. La consigne de Thierry Soler, le géo de la primaire, a été respectée au-delà de ses espérances. À part quelques flèches décochées au début, principalement contre Nicolas Sarkozy, à part quelques accros sur les affaires et l'identité, le débat n'a jamais dérapé. Comme si personne ne voulait injurier l'avenir, parce qu'à la fin, il faudra bien se faire une place aux côtés du vainqueur. Résultat, une impression de grand consensus sur l'économie, des programmes libéraux, sauf chez Jean-Frédéric Poisson. Bruno Le Maire Maire, le candidat sans cravate, voulait, devait crever l'écran. Mais dans ce registre-là, c'est surtout Jean-François Copé qui s'impose quand il bouscule François Fillon sur la burqa ou Bruno Le Maire sur le cannabis. De NKM, on retiendra qu'elle est modérément de droite. François Fillon à l'aise dans son programme. Nicolas Sarkozy, parfois tendu derrière son pupitre. Un ancien président traité comme les autres, une vraie révolution culturelle à droite. Et puis, un vainqueur, par défaut, parce qu'il n'y a pas eu match, Alain Juppé, qui a eu la chance de conclure le débat. Yael Gauze, du service politique de France Info. Et on va maintenant à bord du Charles de Gaulle. Jean-Christophe, le porte-avions se prépare pour la bataille de Mossoul. Mossoul, deuxième ville d'Irak, dernier grand fief de Daesh dans le pays. En Irak, où les forces françaises n'attendent plus que le top imminent de la coalition internationale pour lancer l'offensive, pour les appuyer avec sa force aérienne, le Charles de Gaulle est arrivé il y a une quinzaine de jours au large des côtes syriennes. À bord du porte-avions, l'envoyé spécial de France Info, Gaël Joly. Rafale 38. Sur le pont, les rafales filent les uns après les autres, au loin, vers la Syrie et l'Irak, avec comme priorité Mossoul. L'offensive va commencer et vu de haut, les avions récoltent tout ce qu'ils peuvent de renseignements sur l'ennemi, explique le capitaine de vaisseau Jean, pilote de chasse et commandant du groupe aérien embarqué. Les positions de Daesh diminuent, c'est le terrain de Daesh qui diminue petit à petit et ils se retrouvent plus ou moins cernés. Et c'est ça qui aujourd'hui est exactement la définition de la préparation de la bataille de Mossoul. C'est les empêcher de sécuriser leurs axes logistiques, les empêcher de préparer le terrain pour pouvoir gêner toute progression terrestre, etc. Depuis le début des opérations sur le Charles de Gaulle, il y a 15 jours, les avions ont fait une centaine de vols. Les troupes sont fébriles mais concentrées, explique le contre-amiral Lebas qui dirige la force aéronavale. L'état d'esprit des équipages, l'état d'esprit des pilotes, des marins, c'est beaucoup de détermination. Des villes importantes ont été reprises, comme Fallujah, comme Ramadi, comme plus récemment Manbij. Et donc, Mossoul, c'est dans une dynamique qui se poursuit et qu'il ne faut surtout pas relâcher. Car l'objectif final, c'est bien l'anéantissement de Daesh. Après Mossoul, il y aura Raqqa en Syrie. Et cette fois, peut-être sans le Charles de Gaulle qui pourrait rentrer d'ici quelques semaines avant un arrêt technique d'un an et demi. Sur le porte-avions, Gaël Joly, France Info. En France, sur le front des intempéries, l'Hérault est repassé ce matin de l'alerte rouge à l'alerte orange de Météo France. Alerte pluie, inondation, orage et toujours pour le littoral, vague submersion. Hier, le vent a soufflé jusqu'à 110 km/h à 7 Palavas sous la Grande Motte. Une mer démontée pour un spectacle assez inhabituel en Méditerranée et des trompes d'eau, deux mois de pluie en quelques heures depuis hier. Céline Minardi est chef du service entretien des routes au conseil départemental et elle invite les automobilistes à rester extrêmement prudents pour les prochaines heures. À l'heure actuelle, nous avons pas mal de routes qui sont barrées. Alors, sur les secteurs de Florensac, Saint-Tibéry et Pézenas, et sud de Béziers. Donc, on a tout le personnel sur le terrain. Donc, on a des balayeuses, on a des pelles, on a tout le monde sur le pont qui va passer la journée soit à nettoyer ce vendredi, sinon ce week-end, si ce n'est pas terminé. Les vents et les vagues ont été assez importantes hier sur ce littoral. Il y a des accrochés sur la voie, donc il faut les dégager. Il faut être très prudent, soit parce que il y a de l'eau, soit parce qu'il peut y avoir des arbres ou des grosses branches. Le conseil récurrent, c'est surtout lorsqu'il y a des barrières qui ferment les routes, ne pas passer. Si on met des barrières, c'est vraiment que la situation derrière est dangereuse pour l'automobiliste. Alerte orange donc pour l'Hérault, même chose pour le Gard et l'Aude et les pluies se décalant vers l'est. Le Var est à son tour placé en vigilance orange. Pour ce qui concerne l'Hérault, les écoles, les collèges, les lycées fermés depuis hier vont rouvrir leurs portes cet après-midi. Le transport scolaire reprendra aussi cet après-midi. Des millions de Thaïlandais sont habillés en noir depuis hier pour pleurer leur roi qui était depuis 70 ans la clé de voûte et le garant de la stabilité du pays. Des milliers de personnes sont attendues cet après-midi pour suivre le cortège funéraire qui doit conduire le corps du roi Bhumibol de l'hôpital où il est décédé jusqu'au Grand Palais de Bangkok. Il avait 88 ans, c'était le plus vieux souverain en exercice dans le monde. Le football maintenant, reprise de la Ligue 1 ce soir après la trêve internationale. Deux belles affiches, Toulouse, Monaco et Nice-Lyon. À Nice, comme à Toulouse et Lyon, on se bouscule dans les tribunes, mais la Ligue 1 ne fait pas le plein ailleurs. Loin de là, fréquentation en baisse. Et à Marseille, c'est encore plus spectaculaire. Sébastien Hazard. Depuis qu'il a été coiffé d'un toit, c'est peut-être le plus beau stade de France, mais aussi l'un des plus clairsemés. Il suffit de regarder l'affluence du choc OM-OL. Près de 24 000 spectateurs de moins au Vélodrome que l'an dernier pour le même match. Ce qui n'étonne pas vraiment Dan et Nono, tous deux abonnés. C'est fini, hein, l'année dernière, on était un groupe de 15 copains à être abonnés. Sur les 15, il ne reste plus que moi. Là, c'est affolant. Là, il y a vraiment, vraiment des gains dans le stade, quoi. Des gains. Personne en cause les mauvais résultats. Bien sûr, la baisse d'affluence au Vélodrome représente les deux tiers de la baisse globale de fréquentation de toutes les enceintes de Ligue 1 réunie. Mais les bonnes performances ne sont pas non plus automatiquement synonymes de tribunes bondées. Après plusieurs années compliquées, Bordeaux réalise un bon début de saison. Question fréquentation, moins 11% dans un stade construit avant tout pour l'Euro. Il n'y a pas eu d'effet nouveauté, regrette Romain Manchi, l'un des responsables des Ultramarines, la plus grande association de supporters suivant les Girondins. Il devrait être logique d'arriver à trouver 40 000 supporters des Girondins de Bordeaux dans une métropole comme Bordeaux, une région aussi grande que la Nouvelle-Aquitaine. Face à ces difficultés, les clubs tentent de trouver des solutions. Montpellier doit tester des lignes de bus spécifiques pour emmener les supporters au stade. Autre exemple, quand multiplie les offres et les abonnements ciblés, famille, duo, etc. et affiche un taux de remplissage dépassant les 80%. France Info, il est 9h07, c'est l'heure des audiences télé encore plus attendues ce matin. Bonjour Céline Asselot. Bonjour. Le chiffre que tout le monde attend, c'est celui de l'audience du débat de la primaire à droite. Et il a été suivi par 5 600 000 téléspectateurs hier soir sur TF1 avec un pic à 6,5 millions de personnes. C'était aux alentours de 21h30. C'est un beau succès pour TF1. C'est pas non plus un énorme carton. Il y a 5 ans, le débat de la primaire socialiste avait réuni à peu près 5 millions de téléspectateurs. Vous voyez qu'on est légèrement au-dessus. En tout cas, TF1 s'installe bien en tête des audiences, suivi par M6 qui proposait le journal de Bridget Jones, 2 800 000 téléspectateurs. Et puis la série de France 3, terminant le classement envoyé spécial sur France 2, qui a un peu pâti de la concurrence, 1 600 000 téléspectateurs hier soir. Céline Asselot, on vous retrouve dans quelques minutes sur France Info. Et là. Il est 11h08 sur la première. La météo avec Sirius Réunion. Chauffe-eau solaire, nouvelle génération. Aujourd'hui, bien des nuages. Eh oui, il y en aura même cet après-midi, mais que tout le monde se rassure, des nuages totalement inoffensifs. Installés en montagne, ils vont s'étaler sur les plages l'après-midi, mais les principaux sommets vont rester dégagés. Un vent d'est à nord-est qui va garder une bonne allure, 40 à 50 km/h en rafale entre Saint-Denis et le port. Et puis, pas de houle significative. Demain samedi, belle journée ensoleillée. Et oui, l'après-midi, il y aura bien là encore des nuages qui vont bourgeonner, mais il fera beau. Tout est permis. Sortie dans les hauts ou encore une petite virée à la plage. La météo avec Sirius Réunion. Chauffe-eau solaire, nouvelle génération. Les experts consacrés aujourd'hui à l'aidant familial. On en parle avec vous. Marilyn Soubadou, conseillère départementale, est là. Stéphanie Vergoz de la maison de l'aidant GIPSAP. Thérèse Basque, qui est aidante familiale, elle est là, elle aussi. Et Huguette Ouarot de la direction de l'autonomie pour témoigner, poser vos questions sur l'aidant familial, l'aide au répit, l'accompagnement, les aides qui peuvent être proposées, apportées. 02 62 99 2000. On va donner la parole à Thérèse. Thérèse, comment ça va? Ça va très bien. Avance un petit peu devant le micro. Ça... Thérèse, vous êtes aidante familiale? Oui. Depuis combien de temps, Thérèse? Ça fait 50 ans. 50 ans? Ah oui. Et la fille là, j'ai connu qu'elle avait 5 ans. Mm-hmm. Et là, elle aura 55 ans en novembre. Il s'agit de votre fille adoptive. Adoptive, oui. Thérèse. Parce que moi, je n'ai pas d'enfant. Et vous avez. J'ai adopté. Et votre vie est totalement dédiée. À elle. À elle. À elle. Tous les jours, je suis là 365 jours, 24 sur 24. Et puis, ben, on s'organise tous les deux pour sortir ensemble. Et puis, oui. Ben voilà, elle aime bien sortir aussi. Oui. Et puis, ben, comme maintenant, elle n'a plus d'équilibre, elle ne tient plus debout. Mm. Ben, donc, il faut tout faire, sauf dans la tête. Et elle est quand même assez intelligente. Mm-hmm. Et donc, ben, elle organise quand même pas mal de choses aussi avec nos amis handicapés. Oui. Et que c'est comme elle, mais aux pattes aussi. Donc, on fait des petites sorties dans le fond de la rivière avec des amis handicapés de Saint-Denis. Et puis, ils sont ailleurs aussi. Mm-hmm. Et en plus, ben, après, moi, j'y vais aussi tous les mois au Café des aidants depuis que ça l'a mis en place. Pourquoi c'est important pour vous, Thérèse, d'aller rencontrer des gens, d'autres personnes qui, comme vous, ont dédié leur vie à un proche? Pourquoi c'est important? Ça vous apporte quoi, Thérèse? Ben, ça m'apporte quand même, si ça ne m'apporte pas, mais ça apporte quelque sorte la personne que j'occupe depuis des années. Mm-hmm. Et donc, ben, quand j'y vais au Café des aidants, ben, j'entends les autres personnes aussi. Ils sont peut-être un peu plus mal foutus que moi. Mm-mm. Et donc, ben, je suis quand même contente d'entendre et d'être ensemble. Il donne un peu de courage pour continuer. Il donne le courage pour continuer. Et puis, j'ai continué. Ben, voilà, j'ai dit à la fille, ben, je m'en vais. et puis je mettais un semi-repos en place avec elle. Si j'y vais pendant plusieurs heures, mais si c'est rien que pour une heure ou deux heures, je mets personne, je mets, elle est sur son ordinateur, elle a son fauteuil roulant électrique, donc elle se déplace dans la maison sans aucun problème. Et où, combien de fois par semaine, par mois, où ça va au Café des Aidants ou... Une fois. Par ? Par mois. Par mois. Pas au moins une fois. Là, c'est ça ou bien il faudrait où ça va un petit peu plus? Non, mais après, on sort quand même aussi. Ah, il va carré quand même un peu plus que carré, ça. Voilà. Ah, et puis, dans l'année, on a quand même trois jours de nuit au Villa Corail. Mais simplement, je l'emmène avec moi parce que je ne peux pas laisser derrière. Il n'y a personne pour machin. Et comme... ben, donc, là-bas, elle a mis en place aussi les mécanisés et tout. Ils sont vraiment bien. Ben, elle aussi, elle est contente. Après, on va un petit peu au bord de mer, tout ça. Ben, voilà. Ah. Quand on entend par exemple le témoignage tout à l'heure, vraiment poignant, qu'on nous l'a eu de Patricia, qui occupe de son mari, elle est désespérée de temps en temps, et des fois elle est au bout, ou même que les aidantes familiales, que ça, ou pourrait dire à Patricia, pour donner elle encore un peu plus de courage. Ah ben, mais, bon, ben, ce que Mi peut dire à elle, ben, la famille aussi pourrait un petit peu mettre la main à la pâte, et puis ben, donner elle un petit souffle, une joie de vivre aussi, de ne pas être autant... C'est pas moi, être ensemble tous les jours, eh ben, c'est pas facile. Moi, je fais ça tout le temps, je sais que c'est pas facile, mais c'est pas un membre de... Moi, j'occupe une personne, c'est pas un membre de ma famille. Et donc, on a nu comme famille. Bien sûr. Et donc, ben, tous ses nièces, ils viennent la voir de temps en temps, mais c'est moi tout seul qui vais au marché, c'est moi qui... Parfois, on connaît le lien du cœur les plus forts que certains liens du sang. Hein. Ben la voilà, preuve. Hein. Voilà. Ben, comme moi, j'ai plus de maman et j'ai perdu mon papa, j'avais un an. Et donc, moi-même, j'ai décidé de chercher du travail. Donc, j'ai tombé sur cette famille-là. Ouais. Et jusqu'à maintenant, donc, toutes les personnes qui étaient là, qui m'ont accueilli, ben, tout est décédé. Ben, il reste Anne qui est là. Ben, donc, on continue à vivre... Ben, les deux ensemble, et puis ben, on a des hauts et des bas, mais pas de problème pour vivre. En tout cas, vous gardez votre joli sourire, Thérèse. Ben, il faut avec elle aussi le matin quand je les réveille, mais il faut un sourire. Maman, est-ce que tu vas bien? Tu n'es pas fatiguée? Ben, je dis, la fatigue, il faut mettre de côté. C'est ça. On ne va pas y penser si on est fatigué. Bon, quelquefois, bien sûr, on n'est pas quand même... Superwoman! Voilà. Super-héros! Voilà. C'est un mais moule. Tout est vraiment ben, super, on s'organise. Et puis voilà. Et puis on prend le petit cœur, le petit cœur pour partir dans Saint-Paul ou n'importe. Et bien donc, ça c'est bien, ben, on est content. Voilà. Voilà, vous êtes un rayon de soleil, et Thérèse. Et puis, ben, je prends part à tous ceux qui souffrent un peu, peut-être plus que moi aussi. Oui, c'est important, vous. Voilà. On a l'impression hein, que vous pensez ben, bon, peu à tous, à les plus mal foutus coups, ben, comme on je dit. Pense, je pense tout le temps, quand je vois aussi, ben, j'ai un cœur quand même assez bien sûr. À faire pour eux. Et gros votre cœur, ben, j'en suis donc, sûr. Ben, on est ensemble, on est content. On prend un petit café ensemble, on se discute un peu, et puis voilà. Après, allez. Chacun rentre chez eux, il recommence. Tous les jours, c'est le quotidien. Voilà. On revient dans quelques instants. On va continuer de parler de l'aidant familial. On aura au bout du fil Colette du Tampon, qui est aidante familiale. Elle, c'est sa maman qu'elle porte à bout de bras tout de suite. Réunion Première, la plus grande couverture FM de Lille. À Saint-Joseph, 87.8. Le Port, 91. Saint-Benoît, 106.7. Saint-Denis, 89.2. Merci de votre fidélité et retrouvez la liste des fréquences sur notre site internet réunion.lapremière.fr. Première. Allez, on retrouve Karen à Sillaos. La Fête de la Lentille est une organisation de la ville de Sillaos, l'association des producteurs de lentilles et Destination Sud Réunion. Cosa la fée Karen ou l'aigle tonton papillon? Alors, j'ai un petit peu de mal à vous entendre, Isabelle. Ou l'aigle tonton papillon? Parce que je me suis déplacée ici au cœur du marché du terroir, voilà. Oui. Et on a la voix de Claudio là qui essaie de me couper, c'est difficile, hein? Allez, impose à vous, ma fille! N'impose à moi, ma fille, dehors, voilà. Alors, mais laissez le stand de Tonton Papillon et Jean-René. Et là, je peux vous dire, ah là, c'est sérieux, là. La troisième jeunesse est en force aujourd'hui. Et ils se font plaisir. Le stand est en train de se vider. Alors sur ce stand, on trouve, je ne vais pas trop l'embêter parce qu'il est en train de vendre, de la confiture de Bibas, du miel de l'Équi, de la confiture de papaye maison, on a le grain de Sillaos, la lancée de Sillaos, et puis cette boisson assez sucrée de Sillaos. Maïsaï frappe à des petits coups de cosmos. Jean-René, comment il se passe ça ce matin? Oh là là, tu vas. J'allais en plein boulot, là, si ce n'est net. Apparemment, on est bien apprécié, tu t'en as? Bah, on dirait, oui, il est connu un peu quand même. On va pas l'embêter plus que ça, parce qu'il est en train de faire une séance de dégustation. C'était bon, la dégustation? Super. Très bon. Karen Mafikos dans ton téléphone? Qui dit ça? Ah. Good. Alors? Good vite, monsieur. Faut mieux on Isabelle la radio. Excellent. Eh ben voilà, Isabelle, on l'a compris. Ah bah oui, vous m'avez compris. C'est le stand de Tonton Papillon. Tonton Papillon, bonjour à la radio. Bonjour. Bonjour, Tonton. Tonton Papillon, Isabelle. Allez, à tout à l'heure. 26e édition de Kia Silas. La Fête de la Lentille est une organisation de la ville de Cilaos, l'association des producteurs de lentilles et Destination Sud Réunion. Nous parlons dans les experts aujourd'hui de l'aidant familial. Vos difficultés, vous avez besoin d'aide, vous voulez en savoir plus sur l'aide au répit, on se dépêche au 02 62 99 2000. Avec nous au téléphone, eh bien, il y a Colette du Tampon qui est elle-même aidante familiale. Bonjour Colette. Oui, bonjour, je ne suis plus aidante. Ah, vous n'êtes plus, vous étiez. Non, mais d'accord. Je félicite déjà toutes les personnes et puis je tiens mon chapeau pour ce qu'elles font, ce qu'elles réussissent, parce que c'est très fort. Moi, en 2013, j'ai eu ma mère à la maison. Oui. Parce qu'elle ne pouvait plus vivre chez elle, donc je l'ai prise chez moi. Oui. Et on a découvert, bien sûr, qu'elle avait la maladie d'Alzheimer. Terrible maladie. Moi, j'ai une fille, voilà. Moi, j'ai une fille qui est porteur de handicap aussi. D'accord. Donc, j'ai essayé, mais elle ne voulait pas. Ma mère ne voulait pas vivre chez moi. Donc, j'ai dû trouver une solution. Oui. Et je l'ai mise en famille d'accueil. Mais c'est terrible parce qu'on se retrouve seul après, parce que la famille nous abandonne parce qu'on n'a pas su le faire. Donc, on est mis de côté. C'est-à-dire qu'on vous a reproché d'avoir placé maman en famille d'accueil? Voilà. Voilà. Mais pourquoi elle n'a pas essayé de prendre chez Zotte alors? Elle n'a pas essayé parce qu'elle est trop dure. Moi, elle peut, mais Zotte ne peut pas. Voilà ma fille handicapée déjà. Donc, bah oui, mais elle y connaît. Dans ce cas, ça veut dire que moi, elle y connaît. Gérer une personne qui connaît une différence. Comme d'accord. Donc, quelque part, elle était un peu obligée que c'était où tu y prends en fait. Voilà. Et moi, elle m'a été plus bien du tout, mais elle dit il faut faire un choix. Soit m'y mène ma vie, m'essaye d'élever ma fille qui a bientôt 18 ans. Oui. Parce que l'élève est au début de sa vie, on va dire ça. C'est pas que ma maman, parce qu'elle a 88 ans, que mais ou bien elle, non. Bien jamais. Sûr. Mais elle est en famille d'accueil, et la famille, elle est bien. On met sa voix, elle, régulièrement, très tout le temps. Pas besoin de dire, mais viens. Non. Mais arrive, mais dit, viens prendre maman. Mais prends ma maman, mais ça va, mais sort avec elle. Mais emmène elle chez moi aussi. Parce que elle, moi, elle est au Tampon, et elle est à Cilaos. Donc, mais viens, mais prends elle, mais sort, on fait plein de choses ensemble, on discute, même si elle a son Alzheimer, discuter du pourquoi elle est là. Oui. Et puis, ben, on essaie de vivre, mais je tire quand même mon chapeau aux personnes qui ont réussi. Alors, on sent, Colette, beaucoup d'émotions dans votre voix. Est-ce que c'est parce que vous avez ce sentiment, malgré tout, de culpabilité de ne pas avoir pris maman chez vous? J'ai essayé. J'ai pas réussi, oui. Et vous vous en voulez pour ça? Un petit peu quand même, oui. Un petit peu quand même. Et ça, c'est le sentiment normal de tout enfant. En tout cas, vous avez eu du courage, vous avez trouvé une bonne famille pour votre maman. Et ça, c'est important. Vous continuez d'aller la voir. C'est essentiel. C'est essentiel. Stéphanie, qu'est-ce que vous avez envie de dire à Colette? On entend son témoignage qui est difficile. C'est une situation et c'est une décision difficile. C'est une décision que de proposer à d'autres personnes de s'occuper de sa propre maman. Mais quand il faut, il faut. Oui, tout à fait. Et c'est ce que nous, c'est aussi le message qu'on souhaite passer aussi, c'est que quelle que soit la décision que pourrait prendre un aidant, que ce soit de garder son proche à domicile ou de le proposer un hébergement en famille d'accueil ou en établissement, nous, que ce soit au niveau du département, au niveau du GIPSAP, on accompagne aussi les aidants dans ce choix-là et de pouvoir les amener à déculpabiliser. C'est surtout ça, de pouvoir déculpabiliser et de pouvoir ensuite repartir sur une nouvelle base d'accompagnement, puisque madame continue à aller voir sa mère, donc bien ça sûr. C'est formidable. Mais je pense que vous avez besoin effectivement de vous déculpabiliser par rapport au choix que vous avez fait. Et c'est aussi le message que l'on souhaite passer aux aidants qui viennent chez nous. C'est quelle que soit la décision qu'ils vont prendre, on est là aussi pour les accompagner. Il faut vous déculpabiliser par rapport à ça, puisqu'effectivement c'est une décision qui a été été prise. Et je pense qu'elle a été mûrement réfléchie. Et je pense que, voilà, il faut vous féliciter puisque vous avez aussi un enfant handicapé au quotidien. Donc, je pense aussi qu'il faut vous déculpabiliser par rapport à ça. Mais je pense que tout ça, ça doit être aussi un travail que vous devez mener personnellement. Et ce que je vous propose, si aussi vous le souhaitez, nous avons aussi la possibilité toujours d'accompagner les aidants qui ont pris cette décision, soit de entre guillemets, je dis de placer, mais de proposer différents hébergements. Mmh. On continue à les accompagner. Même après un décès, bien sûr. Même après un placement, même que ce soit en famille d'accueil ou en hébergement, on continue d'accompagner justement les aidants parce qu'il y a toujours cette culpabilisation qui perdure. Donc on peut proposer encore des entretiens aux aidants pour pouvoir justement les aider à pouvoir assumer la décision qu'ils ont prise. Ok. Colette, merci. N'hésitez pas à vous faire aider, c'est important. Et nous, on vous dit bravo. Merci. On vous dit bravo. Je dis bravo aux autres qui ont réussi. Merci beaucoup. À très bientôt, Colette. À bientôt. On revient juste après Devissy Carker Marron sur la première. Ensemble, nous parlons de l'aidant familial. Vous l'avez entendu, il y a beaucoup d'émotions dans cette émission et c'est normal. C'est très difficile souvent de faire face à la maladie. Et encore une fois, bravo à tous ceux qui, à bras le corps, mettent leur vie entre parenthèses. Oh, je ne t'espérais plus. Et pensais bien être perdu. Mais peut-être avais-je toujours en moi ce qui fait que je me retrouve en toi. Est-ce pour cela que tu as choisi de m'aider à reprendre mes esprits? Le vrai chemin, mon destin entre mes mains. Oh, Maloya, Maloya, Maloya. Oh, Maloya, qu'as-tu fait? Oh, Maloya, Maloya, Maloya, qu'as-tu fait de ma vie? Autant de mots qui te ressemblent. Tiens beau, cuir marron. Autant de mots qui portent ton nom. Sobat, sobaté, sakouille, sakouille. C'était Devissy Carker Marron sur la première. Nous parlons de l'aidant familial aujourd'hui. Beaucoup de témoignages poignants concernant, et on l'entend, la difficulté pour ceux qui sont à la maison, qui s'occupent de l'un de leurs proches. On sent beaucoup de culpabilité, on s'en veut. On l'a entendu avec le témoignage de Colette qui a dû placer maman en famille d'accueil, maman atteinte de la maladie d'Alzheimer. Colette elle-même, déjà maman d'une enfant porteurs de handicap, beaucoup de souffrances, de difficultés, beaucoup de messages également arrivés par SMS au 70-2000 de soutien et de beaucoup de personnes qui encouragent et qui disent bravo à tous ces aidants familiaux comme Michel qui envoie qui dit beaucoup de bravo, hein, beaucoup de courage aux aidants. Elle embrasse Patricia, on a eu son témoignage tout à l'heure. Également beaucoup de personnes qui nous disent au 70-2000 eh bien qu'ils sont eux-mêmes aidants familiaux, qu'ils s'occupent de l'un de leurs proches. On en a même une qui nous envoie ce message pour nous dire qu'elle est aidante familiale et qu'elle travaille en même temps. Elle précise que grâce au répit repos, eh bien, elle arrive à faire un break pendant quelques heures, pendant que maman est gardée par une dame. Donc ça, c'est important aussi. Stéphanie, on va parler plus concrètement des différentes aides, mesdames également, que l'on peut apporter aux aidants familiaux. D'abord, il y a l'écoute, et ça, c'est important de le dire, de rencontrer des psychologues, des gens, et Thérèse aussi l'a dit, aller causer avec de Moon, aller rencontrer de Moon, ça, c'est important, il faut faire la démarche. Mais alors, où? Comment je fais si j'habite dans les Hauts-de-l'Ouest? Comment je fais si j'habite Saint-Jean? Comment je fais? Alors, concernant les cafés des aidants, donc, on en a donc dans le Nord, donc à l'espace Ridley. Donc, c'est une fois par mois à l'espace Ridley. Dans l'Ouest, au village Corail. Donc, ça se fait toujours une fois par mois. Hein, donc, les cafés des aidants, nous avons dans l'Ouest, donc au village Corail. Dans le Sud, on le fait donc à la case Grand Air, donc la maison d'accueil des aidants et des aidés, qui se situe donc à l'entre-deux. Et prochainement, nous aurons un café des aidants sur le secteur de l'Est. Donc, les gens peuvent nous contacter sur le 0800 530 002 et ils vont pouvoir avoir toutes les informations sur les horaires, les lieux et les dates de ces cafés des aidants. Mais il peut aussi, si comme certains aidants n'ont pas effectivement le courage de venir dans ces cafés des aidants, pouvoir bénéficier d'entretiens individuels avec une psychologue. Et à ce moment-là, on fait le même numéro et on demande effectivement la possibilité d'avoir un rendez-vous pour pouvoir en parler, on va dire, de manière individuelle. Ensuite, on peut proposer aussi aux aidants de venir sur la maison d'accueil donc des aidants qui se situent à l'entre-deux. Donc, nous sommes ouverts 2 semaines par mois au public et on peut leur proposer des ateliers de bien-être, des ateliers d'échange de pratiques entre aidants. Nous proposons également des séances d'information avec une assistante sociale, un ergothérapeute. Donc, ils ont la possibilité aussi d'avoir un lieu où ils peuvent venir rencontrer nos professionnels et avoir toutes les informations nécessaires pour pouvoir accomplir leur rôle au quotidien. Alors également, Huguette Waro, beaucoup de personnes certainement à l'écoute sont en train de se dire justement, on parle d'aidant familial, mais c'est ce que je suis moi au quotidien. Est-ce que j'ai droit à quelque chose? Est-ce que je peux avoir un timonée, un dédommagement? Comment on sait? Comment on peut savoir un petit peu quels sont ses droits? Dans quel cas on se retrouve à pouvoir bénéficier d'aide ou pas? Quelles sont un petit peu les démarches à faire? Alors, la première démarche, c'est déjà se rapprocher du GIPSAP, du moment qu'on est aidant, que ce soit parents, sœurs, frères, peu importe, on a droit au dispositif répit-repos. Alors, qu'est-ce que c'est déjà? Alors, le dispositif répit-repos permet d'avoir, enfin, offre une palette de prestations en fonction des besoins de la personne. D'accord. Ce peut être, la personne a besoin de comment dire, peut bénéficier de ce qu'on appelle le booster, à savoir que il sera remplacé une demi-journée, par exemple, par mois, par une personne qui sera diplômée, par un prestataire d'aide de service, qui vient à domicile, qui va s'occuper de de son aidé pendant son absence, pendant 3 heures ou 4 heures, pour soit se rendre au médecin et faire ce que la personne souhaite. D'accord, c'est-à-dire que là, générale, si j'ai simplement envie de souffler, On sait qu'on va devoir s'absenter parce qu'on a... on a des problèmes médicaux, ou tout simplement, on a besoin de faire un brushing pour un mariage, ou n'importe quoi. Voilà. On peut bénéficier de ce qu'on appelle de moments de répit, de booster. Et également, le JPSAP propose également des séjours. Donc, soit en semaine, soit en week-end, que ce soit Village Corail, au terme de Sillaos. Et également à la Case Grand-Air, où il y a soit des séjours là, en semaine, où la personne, l'aidant peut venir avec son aidé, en famille, et aussi le week-end, des séjours de rupture, et en plus des ateliers, participer à des ateliers qui sont sur place, et où se situe aussi le café des aidants. Donc, c'est l'ensemble des prestations offertes dans le cadre du dispositif répit-repos. Ensuite, c'est vrai que pour les personnes âgées qui bénéficient de l'APA, lorsque les personnes âgées sont dépendantes, la personne la personne âgée peut employer une personne de son choix pour l'aider à domicile. Donc, employer donc l'aidant voilà, familial. L'aidant familial. Qui devient du coup salarié. Voilà, dans le cadre de l'APA. Donc, c'est pour cela que, eh bien, on entend qu'elle est payée pour cela. Mmh. Donc, c'est quelques heures d'APA. Et c'est vrai quelques que... heures, hein. Faut pas non plus c'est dire ça. Les choses. C'est ça. Hein. C'est quelques heures au maximum. Je veux dire, tout dépend de la dépendance de la personne âgée. Mmh. Et c'est comment dire, c'est pour permettre d'occuper pendant quelques heures, mais comme on le dit, c'est 2 heures, 3 heures maximum par jour, tout voilà, dépend de la dépendance. Si on doit quitter son travail pour s'occuper de quelqu'un, c'est pas très, ça qui très, très souvent, la personne âgée vit à domicile avec justement la personne qui s'occupe d'elle. C'est un travail de 24 heures sur 24. C'est ça. Et c'est dommage que justement le fait de savoir que la personne est entre guillemets, je dirais pas payée, plutôt indemnisée. Même dans le cadre de ah l'APA, ouais. Bon, c'est quelques heures d'aide à domicile par jour, et que cela contribue à comment dire à ce que la solidarité familiale se dissout. C'est dommage. Ce n'est pas pour ça. C'est juste pour permettre à l'aidant de mieux s'occuper de sa personne âgée. C'est l'objectif. Ensuite, c'est vrai que pour l'aidant dans le cadre du handicap, il y a aussi la possibilité pour l'aidant, cette fois-ci, d'être indemnisé dans le cadre de l'aide humaine. Mmh. Quand on dit indemnisé, c'est vraiment... cela n'a rien à voir avec un salaire. Mmh. Lorsqu'une personne travaille, elle est obligée de quitter son travail pour s'occuper de son... De son proche. Mmh. C'est vraiment... comment dire, une indemnisation qui est faite, mais cela ne contribue nullement à un salaire, à ce que la personne aurait pu avoir économiquement s'il avait un travail. Si elle aurait pu garder son travail. Donc c'est vraiment, voilà, c'est une indemnisation et une reconnaissance de statut d'aidant. Mmh. Mais c'est vrai que c'est encore embryonnaire au niveau national. Marilyn Soubadou, l'émission touche à sa fin. S'il fallait retenir quelque chose, que ce soit dans les différents témoignages, on a entendu beaucoup d'émotions dans cette émission. Est-ce que je peux résumer tout ça en disant que vous avez envie de dire de cause? Écoutez, allons voilà, dire. Tout à fait. Il faut aujourd'hui oser ne plus rester dans le fait noir, comme on dit, appeler le numéro que Stéphanie Vergos vous a donné. Qu'on va redonner dans un instant. Pour qu'on puisse vous aider. Et vous aider à aider, du coup. Et je crois que la politique du département aujourd'hui, c'est d'accompagner tous ces aidants, toutes ces personnes qui ont des fois tendance à baisser le bras parce que ils n'en peuvent plus, ils savent plus quoi faire. Parce que c'est dur, parce qu'on est seul, on l'a entendu beaucoup dans cette émission. Donc aujourd'hui, la politique du département met en place des dispositifs qui sont là, qui sont bien, mais il faut oser. Allons faire la démarche, allons téléphoner au conseil départemental, au numéro que Stéphanie a donné, pour qu'on puisse nous prendre en charge afin d'être mieux armés, si je puis dire, pour pouvoir apporter un plus. Parce que nous-mêmes, politiques, notre devoir à nous, c'est de veiller, entre guillemets, au bien-être des personnes. Donc, à travers tout cela, si nous pouvons apporter cette aide aux aidants, je crois que ça va être un plus, quoi. Des leviers sont en place. Exactement. Encore faut-il savoir qu'ils existent et les actionner, quoi. Tout à fait. Ma chère Thérèse, vous êtes aidante familiale. Depuis toujours, vous vous occupez de votre fille. Mmh. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux gens qui, comme vous, sont au service de l'un de leurs proches? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire s'ils ont des difficultés, si aujourd'hui ils sont dans une période où ils n'en peuvent plus, quoi? Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire, Thérèse? Ben, moi, je dirais que, autant ne pas baisser les bras. Et de continuer à faire ce qu'on peut faire. Et puis de donner quand même un vie à toutes ces personnes-là qui ont besoin. Elle a besoin d'un sourire, elle a besoin d'entendre. Et puis de faire le mieux pour eux. Pour qu'ils vivent comme nous un peu. Mm. Ce ne sera pas tout à fait. Mais au moins, au mieux ce sera possible. Un plus. Au mieux possible. Au mieux possible, voilà. Huguette Warhol, mot de la fin vous concernant. Qu'est-ce que vous avez envie de dire pour terminer cette émission? Un grand bravo à tous les aidants. Un travail extraordinaire, hein. Oui. On ne dira jamais. Ils font un travail extraordinaire et si le département est là, c'est pour leur justement parce qu'on a reconnu que le travail qu'ils font au quotidien et la place qu'ils ont dans la société réunionnaise. Stéphanie Vergos de la Maison de l'Aidant. qu'est-ce que vous avez envie de nous dire? Alors vous, déjà, première chose, on a un numéro de téléphone pour Odoneo. Oui, tout à fait. Donc, je répète, le 0800 530 002. Donc, comme je disais, comme dit aussi Madame l'élue, ne reste pas dans le fait noir, appelle à nous. Nous, les là pour écouter Azote, pour accompagner Azote et soutenir Azote. Donc, quelle que soit la décision que Azote va prendre, le GIP sera toujours là pour pouvoir accompagner et soutenir les aidants à La Réunion. Donc, c'est important, vous l'avez dit aussi, vous avez aussi ce rôle de médiation dans les familles. Et ça, on l'a entendu souvent, le fait de devoir aider un proche, il devrait rapprocher la famille, mais dans beaucoup de cas, malheureusement, il casse le lien parce que Nana N, il retrouve Alia, occupe tout. Les autres, ils déchargent un peu de temps en temps. Mais parfois, il gagne ressoudé. Donne-nous quand même un peu de l'espoir. Oui, tout à fait. Donc, comme je rappelais, on peut mettre en place de la médiation familiale. Donc, n'hésitez pas à nous appeler. Et à ce moment-là, on réfléchira avec la famille comment faire en sorte que chacun puisse prendre sa place et son rôle auprès de son proche. Eh ben voilà, maintenant vous savez tout. Merci beaucoup à Marilyn Soubadou, à Stéphanie Vergoz, à Thérèse et à Huguette Ouarou d'avoir participé à cette émission. Tous les numéros de téléphone, tous les renseignements sont à retrouver sur la page Facebook de l'émission Les Experts. Merci beaucoup à vous. Merci. Belle journée et bravo, un grand bravo à tous ceux qui sont aidants familiaux. Et on vous souhaite beaucoup de courage et n'oubliez pas, n'hésitez pas à actionner, à composer ce numéro de téléphone, le 0800 530 002. 10h midi, les experts avec Isabelle Waron sur Réunion Première. Where do we go from here? Where can we hide? Cause I made a U-turn. I'm still alive. This life. Where is this better place? Where are these better times? 'Cause we've both been looking, and we can't find. Look how much fun we had, and now it's all turning back. I've got my foot down, it's too slow. You should. I'm feeling sorry that I came. And I-

Bon, il faut nous ça, voir nous applaudir. Pas gras, et ben voilà, voilà. Il faut venir nous voir et déguster nos produits. Ça, maman, c'est là que c'est bon. Et moi, mais ça reprend un autre petit cake à la farine de lentilles parce que c'est extrêmement bon, je vous le promets. Et ça, on veut bien vous croire, Karen. Bon appétit. Merci. La Fête de la Lentille est une organisation de la ville de Sillaos, l'association des producteurs de lentilles et Destination Sud Réunion. Et vous êtes nombreux à nous redemander le numéro concernant les aidants familiaux. Notez bien le 0800 530 002, 0800 530 002. D'autres informations sur la page Facebook de l'émission Les Experts. Dapset 4, 21 juin 2012, moi n'fais ou connaissance. Sans sou pour moi, tu y a une nouveau naissance. Mon attiré pas ou beauté, ou simplicité faire mon équipe. Moi, Corinna, sans sentiment mélancolique. Comme ils ont mis le retour pour descendre Maurice. Depuis sa sous-réunion, gravé dans l'équipe, promets tout moi pourrais faire une voix ou apprécier sa nature bagatelle. La ville est douce, la ville est belle. Appréciez-les tous les temps, ça m'y rêve depuis longtemps. La Réunion est magnifique, les plus belles de tous les tropiques. Ici, vibration les magiques, ouais. Toute Cafrine est authentique. Il faut tous les années. Kaloupang fait pêtre à Gaden, sol reggae. Faut des voix comment l'amour circule dans l'air. L'union fait la force emmène le succès. Peuple réuni, un seul état d'esprit. Peine division, tout problème est dans son solution. Ici, réunion manque pour amour. Prononce à nos poumons, réconfort. Rayonner, jeune pays Marie-Soli. Dans tout sens du terme, vrai pas menti. Moi, une bien pressée, jeune bande type la créole. Aussi la façon ban frère rigole. Comment il est? Mais la Maurice, qui position? Correctement 974, toujours dans mon vision. Mission, mission extraction. Babylone, rate mon passeport, laisse-moi aller. La Réunion, est magnifique. Les plus belles de tous les tropiques. Ici vibration les magiques, quoi. Ouais. Toute Cafrine les authentiques. Maurice un joli pays, mais l'état complique tout. Déjà la vie compliquée, je ne parle pas tiens, ça la scène dans nous les pieds. Maurice malade, Maurice malade, moi. Ouais. Mais me connaît, 5-6 années guérit toute malade. Ceux qui n'en les connaît, mon papa raconte salade. Plaisir pour soigner sa bande, frérot. Partage un peu, bande trick nouveau. La Réunion, place idéale, pas douce, mon cerveau. Ta scène pose loin en bande, l'esprit bombo. 9-7-4 dans les quais négro. Moi kiffe le nord jusqu'à le sud, l'est jusqu'à l'ouest. Réunion, ça son spécial pour eux. Dans tout bon sud tropical, bien où connaît. Ou même number one, yeah. La Réunion est magnifique. Les plus belles de tous les tropiques. Ici, vibration les magiques, ouais. Toute Cafrine les authentiques. Oh, ils sont sur la première, il est 11h51. Les avis de décès avec Réunis Solidarité, Mutuelle Obsèque et Complémentaire Santé. Réunion Première vous fait part du décès de l'enfant Waro Richman. L'enfant Waro Richman, fils de Waro Michael et de Payette Sandrine. Le décès est survenu hier à l'âge de 3 ans. Le convoi mortuaire sortira de la chapelle ardente du Tampon à 15h30. La bénédiction aura lieu à 16h en l'église du frère Scubillon au Tampon, suivi de l'inhumation au cimetière du même lieu. Décès de Madame Sanassi, Lucille. Madame Sanassi, Lucille. Le décès est survenu hier à l'âge de 82 ans. Le convoi mortuaire sortira de son domicile 2, allée des Jonquilles, bassin Martin à Saint-Pierre. Aujourd'hui à 14h15, la bénédiction aura lieu en l'église de Terre Sainte à 15h, suivie de l'inhumation au cimetière de Saint-Pierre. décès de Madame Taokali Marie-Blanche, veuve Idmon, née Grondin. Madame Taokali Marie-Blanche, veuve Idmon, née Grondin, domiciliée au 73 rue Théo-Marianne à la Plaine des Palmistes. Le décès survenu aujourd'hui à l'âge de 67 ans. Une veillée se tient actuellement à son domicile. La bénédiction aura lieu demain à 11h en l'église de la Plaine des Palmistes, suivie de l'inhumation au cimetière de Sillaos. Décès de Monsieur Allemont Joseph Jean Baptiste. Monsieur Allemont Joseph Jean Baptiste. Le décès survenu aujourd'hui à l'âge de 73 ans. Toute personne l'ayant connu est priée de contacter la Croix Marine au 02 62 45 60 26. Le 02 62 45 60 26. Ou encore les pompes funèbres au 02 62 25 75. Le 25 75. Concernant le décès de Monsieur Allemont Joseph Jean-Baptiste. Décès de Madame Moirot, née Paliode, Simone Marie. Madame Moirot, née Paliode, Simone Marie. Le décès survenu hier à l'âge de 70 ans. La veillée a lieu aujourd'hui à partir de 15h au centre funéraire du Sud. La date et l'heure des obsèques seront communiquées ultérieurement. Décès de Monsieur Maoudo Claude. Monsieur Maoudo Claude, ancien principal du collège de Cambuston. Le décès survenu hier à Saint-Benoît, à l'âge de 73 ans. La veillée se déroule au centre funéraire de Prima. La bénédiction aura lieu demain à 14h en la chapelle de Prima, suivie de la crémation à Prima. Décès de Monsieur Moutoussami Valiamé Jean-Pierre. Monsieur Moutoussami Valiamé Jean-Pierre, dit Samy, ancien employé communal de Saint-Paul. Le décès est survenu mercredi à l'âge de 61 ans. Le convoi mortuaire sortira de son domicile 25 chemin de la Giraudet à Bois-Rouge à Saint-Paul demain samedi. La date et l'heure des obsèques seront communiquées ultérieurement. Décès de Monsieur Morel Benjamin Henry. Monsieur Morel Benjamin Henry, originaire de Saint-Joseph, le décès survenu mardi à l'âge de 62 ans. Le convoi mortuaire sortira du centre funéraire de Prima aujourd'hui. La bénédiction aura lieu en l'église de Vincendeau à 13h30, suivie de l'inhumation au cimetière de Vincendeau. Décès de Monsieur Lioncao Léonard. Monsieur Lioncao Léonard, dit René, le décès survenu hier à l'âge de 84 ans à l'hôpital de Saint-Benoît. La veillée a lieu au centre funéraire de Prima. La bénédiction religieuse aura lieu aujourd'hui vendredi à 15h au centre funéraire de Prima, suivi de l'inhumation au cimetière de l'Est. Décès de Monsieur Conto Alfred. Monsieur Conto Alfred, dit Fredo. Le décès survenu mercredi à l'âge de 69 ans. Un recueillement se tient au domicile 11 chemin des Muguets à Villèle, à Saint-Gilles-Léo. La bénédiction aura lieu aujourd'hui à 15h30 dans l'église Sainte-Thérèse d'Avila à la Saline-Léo, suivie de l'inhumation au cimetière du même lieu. Décès de Monsieur Zit Georges Henri Expédite. Monsieur Zit Georges Henri Expédite. Le décès survenu. Une bénédiction aura lieu aujourd'hui à 15h en la chapelle de l'hôpital de Saint-Pierre, suivie de la crémation à 16h30 au centre funéraire de la ligne Paradis. Réunion première présente aux familles endeuillées ses sincères condoléances. Les avis de décès avec Réuni Solidarité, Mutuel Obsèque et Complémentaire Santé. C'est quelques informations pratiques. D'abord de Veolia Eau qui informe ses clients de la commune de Saint-Denis que suite à un incident sur le réseau, eh bien, l'alimentation en eau est interrompue. Du côté de Saint-Denis, chemin du Colorado, sur la partie basse, la remise en eau est prévue, eh bien, à partir de 13h, sauf incident. Autre information, sachez que le maire de la Plaine des Palmistes informe ses abonnés du secteur du deuxième village, zone de Frémicourt et rue des Fouchias, et bien qu'en raison de travaux sur le réseau, une coupure est attendue pour lundi à partir de 8h jusqu'à la fin des travaux. Il compte bien sûr sur votre compréhension. Sudéo, cette fois-ci, informe ses abonnés de la commune du Tampon, et bien que suite à des travaux de raccordement sur la conduite principale du pont du Diable, et bien des perturbations seront à prévoir, et voire des coupures même, lundi à partir de 8h sur les secteurs suivants. Route nationale, partie comprise entre le 17e et le 10e kilomètre, la rue du Docteur Charrière, chemin de l'Ermitage, chemin Isotier, chemin Paul Hermann, rue Roland-Garros et toutes les voies adjacentes. Retour à la normale se fera dès achèvement des travaux de raccordement. En raison d'un éboulis sur la canalisation principale, des perturbations, voire des manques d'eau se feront sentir sur le périmètre irrigué de la plaine de Chamborne jusqu'à la fin des travaux. C'est une information de la CISE Réunion.